pour l'abolition de la traite des Noirs. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Adresse à l'Assemblée nationale pour l'abolition de la traite des Noirs par la Société des Amis des Noirs de Paris. L'humanité, la justice et la magnanimité qui vous ont dirigé dans la réforme des abus les plus profondément enracinés font espérer à la Société des Amis des Noirs que vous accueillerez avec bienveillance sa réclamation en faveur de cette nombreuse portion du genre humain si cruellement opprimée depuis 2 siècles. Cette société, si lâchement, si injustement calomniée, ne tient sa mission que de l'humanité qui l'a portée à défendre les Noirs, même sous le despotisme passé? Hé, peut-il être un titre plus respectable aux yeux de cette auguste assemblée qui a si souvent vengé dans ses décrets les droits de l'homme? Vous les avez déclarés, ces droits. Vous avez gravé sur un monument immortel que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Vous les avez rendus, ces droits, au peuple français, que le despotisme en avait si longtemps dépouillé. Vous venez de les rendre à ces braves insulaires, aux Corses, jetés dans l'esclavage sous le voile de la bienfaisance. Vous avez brisé les liens de la féodalité qui dégradait encore une partie de nos concitoyens. Vous avez annoncé la destruction de toutes les distinctions flétrissantes que les préjugés religieux ou politiques avaient introduites dans la grande famille du genre humain. Les hommes, dont nous défendons la cause, n'ont pas des prétentions aussi élevées, quoique, citoyens du même empire et hommes comme nous, ils aient les mêmes droits que nous. Nous ne demandons point que vous restituiez aux Noirs français ces droits politiques qui seuls, cependant, attestent et maintiennent la dignité de l'homme. Nous ne demandons pas même leur liberté. Non. La calomnie, foudroyée sans doute par la cupidité des armateurs, nous en a prêté le dessein et l'a répandue partout. Elle voulait soulever tous les esprits contre nous, soulever les planteurs et leurs nombreux créanciers, dont l'intérêt s'alarme de l'affranchissement, même gradué. Elle voulait alarmer tous les Français, aux yeux desquels on peint la prospérité des colonies comme inséparable de la traite des Noirs et de la perpétuité de l'esclavage. Non, jamais une pareille idée n'est entrée dans nos esprits. Nous l'avons dit, imprimée dès l'origine de notre société, et nous le répétons, afin d'anéantir cette base, aveuglément adoptée par toutes les villes maritimes, base sur laquelle reposent presque toutes les adresses. L'affranchissement immédiat des Noirs serait non seulement une opération fatale pour les colonies, ce serait même un présent funeste pour les Noirs, dans l'état d'abjection et de nullité où la cupidité les a réduits. Ce serait abandonner à eux-mêmes et sans secours des enfants au berceau, ou des êtres mutilés et impuissants. Il n'est donc pas temps encore de la demander, cette liberté. Nous demandons seulement qu'on cesse d'égorger régulièrement tous les ans des milliers de Noirs pour faire des centaines de captifs. Nous demandons que désormais, on cesse de prostituer, de profaner le nom français pour autoriser ces vols, ces assassinats atroces. Nous demandons en un mot l'abolition de la traite, et nous vous supplions de prendre promptement en considération ce sujet important. Faut-il, pour vous y déterminer, vous mettre sous les yeux le tableau de cet horrible commerce? Vous peindrons-nous les manœuvres infâmes employées par les armateurs, les capitaines ou leurs facteurs pour se procurer des Noirs? Vous citerons-nous ces marchés de chair humaine, faits au milieu d'une orgie préméditée, où pour quelques flacons d'une liqueur enivrante ou de misérables hochets, on force un prince à chasser ses sujets comme des bêtes fauves, à les voler, à les vendre? Vous citerons-nous ces procès commandés par les Européens, où l'injustice du prince condamne tant d'innocents à un esclavage dont son avarice doit retirer le fruit? Vous citerons-nous ces guerres sanglantes où, pour payer des dettes artificieusement imposées, on force encore ces princes à surprendre et à enchaîner leurs paisibles voisins? Vous seriez révoltés si nous exposions à vos regards toutes les circonstances de ce brigandage atroce, si nous vous racontions, par exemple, qu'en surprenant les Noirs dans leurs cabanes, leurs chasseurs inhumains arrachent souvent de leurs bras leurs petits-enfants qu'ils abandonnent ensuite à la faim, à la mort, parce que leurs bras trop faibles seraient inutiles et coûteux à leurs bourreaux. Et les hommes qui spéculent sur ce brigandage, qui le commandent, qui en vivent, se disent encore humains. Et si vous transportiez ensuite dans ces prisons flottantes, dans ces cloaques dont l'espace est mesuré par l'avarice, où l'on entasse les uns sur les autres ces malheureux Africains, quel sentiment douloureux n'éprouveriez-vous pas à cet aspect affreux? Représentez-vous ces infortunés, furieux d'être arrachés à leur patrie, à leurs enfants, qu'ils ne reverront jamais, se croyant entre les mains d'anthropophages et destinés à la boucherie, amoncelés dans des entrepôts étroits dont l'infection et la chaleur étouffante sont augmentées par un soleil dévorant, enchaînés deux à deux, condamnés par les chaînes et cet entassement au supplice affreux d'une immobilité. Immobilité qui n'est interrompue que dans les tempêtes, par les tourments plus cruels encore de roulis violents. Représentez-vous ces captifs violemment froissés les uns contre les autres, déchirés par le frottement de leurs chaînes, suffoqués dans les temps pluvieux par l'interruption totale de l'air, aspirant au lieu d'air des exhalaisons putrides, rongés par des maladies infectes, appelant la mort qui frappe à leur côté, et ne la trouvant souvent que dans un poison bienfaisant administré par les calculs de la cupidité. Ah, qui peut contempler ce spectacle sans frissonner d'horreur, sans être révolté de voir des hommes traiter avec cette inhumanité leurs semblables? On vous dira que ces tableaux sont des déclamations romanesques. Ne le croyez pas. Le tableau de ces faits, attesté même par les capitaines de vaisseaux négriers, est encore au-dessous de la réalité, et les pinceaux les plus énergiques sont trop faibles pour le rendre. On vous dira que le pays habité par des Noirs est un pays affreux et stérile, que les hommes y sont anthropophages, toujours en guerre, mensonge démenti par les armateurs mêmes, car ils disent, d'un autre côté, que ce pays est couvert d'une population immense qui se renouvelle rapidement. Or, comment accorder cette population avec la stérilité et l'anthropophagisme? Et la stérilité d'un pays est-elle d'ailleurs une cause qui autorise l'esclavage? On vous dira que ce commerce subsiste depuis longtemps. Mais le brigandage se légitime-t-il par la prescription? On vous dira que de grandes propriétés sont fondées sur la traite, que de grands capitaux ont été versés à l'ombre de la loi qui la permettait, que l'abolir, c'est ruiner des commerçants de bonne foi. Mais de quel poids peut être l'or de ces commerçants mis dans la balance avec le sang de milliers d'hommes versés tous les ans? De quel poids peut être un pareil calcul aux yeux d'une assemblée qui met la justice et les droits de l'homme au-dessus de tout bien? Il n'est aucun gain, aucune propriété qui puisse légitimer l'assassinat prémédité, marchandé de millions d'hommes. Et ne croyez pas d'ailleurs à ce tableau de pertes exagérées. Nous vous prouverons, quand vous daignerez nous entendre, que le petit nombre de vaisseaux employés à cette traite barbare le fera bien plus fructueusement à d'autres commerces, sur cette côte même d'Afrique et dans d'autres mers. Commerces qui s'ouvriront lors que le génie de la fiscalité ne les enchaînera plus. On vous dira que l'abolition de la traite portera le coup le plus funeste à la marine, aux revenus publics, aux colonies, au commerce. Et nous vous démontrerons que ce commerce emporte chaque année dans le tombeau la moitié des matelots qui y sont condamnés, gangrène physiquement et moralement l'autre moitié, et infecte de sa contagion les autres commerces. Nous vous démontrerons que la traite est un fardeau pesant pour les revenus publics, que pour la soutenir, l'État est obligé d'entretenir à grands frais des établissements en Afrique, qu'il est encore obligé de payer annuellement une prime d'environ 2 500 000 livres, que cette prime est triplement funeste, en ce qu'elle sert à alimenter un commerce de sang, en ce que pour la payer, on enlève à l'indigent habitant de nos campagnes le fruit de son travail, en ce qu'elle se verse, pour la plus grande partie, dans les mains des armateurs anglais, auxquels des négociants français ne rougissent pas de prêter leur nom pour éluder l'intention du gouvernement. Nous vous démontrerons que la traite des Noirs n'est point un commerce avantageux à la France, qu'elle lutte contre des désavantages qui lui sont particuliers, puisqu'elle ne peut exister sans une prime considérable, tandis que l'Angleterre n'en accorde aucune de ce genre à ses armateurs. Nous vous démontrerons que la nécessité de lui accorder cette prime prouve incontestablement combien ce commerce est ruineux, que les armateurs français conviennent eux-mêmes de l'impossibilité de soutenir la traite française sans ce secours, que malgré cette prime, ils aiment mieux se concerter avec des armateurs anglais que de courir des risques, en sorte que la traite française n'est dans la réalité qu'un prétexte pour voler l'État au profit d'étrangers. Nous vous démontrerons que cette traite a été de tout temps ruineuse, que 10 compagnies y ont vainement englouti des fonds immenses, que la compagnie actuelle du Sénégal serait déjà ruinée sans les monopoles qu'elle exerce et sans les profits qu'elle a faits sur la gomme et quelques autres productions de l'Afrique, qu'en portant le commerce sur ces productions, on ouvrirait un débouché bien plus avantageux pour nos manufactures. à l'égard des colons. Nous vous démontrerons que, s'ils ont besoin de recruter des Noirs en Afrique pour soutenir la population des colonies au même degré, c'est parce qu'ils excèdent les Noirs de travaux, de coups de fouet, d'inanition. Que s'ils les traitaient avec douceur et en bon père de famille, ces Noirs peupleraient et que cette population, toujours croissante, augmenterait la culture et la prospérité. Que l'expérience de beaucoup de planteurs anglais et français, pendant un grand nombre d'années et dans différentes îles, atteste ces vérités incontestables que la douceur du traitement augmente la population, que la population indigène dispense des recrues étrangères et par conséquent enrichit le maître en améliorant le sort de l'esclave. Or, ce qui se fait dans 20 habitations peut s'exécuter et réussir dans 500 et par conséquent dans toutes les îles à sucre. Nous vous démontrerons que l'abolition de la traite sera avantageuse aux colons parce que son premier effet sera d'amener cet état de choses, de forcer les maîtres à bien traiter, bien nourrir leurs esclaves, à favoriser leur population, à les aider dans leurs travaux, par le secours des bestiaux et d'instruments qui multiplieront les travaux en les facilitant. Parce que ces nègres, étant mieux secondés, feront mieux et davantage dans le même espace de temps, et par conséquent, produiront davantage. Parce que la population noire s'augmentant par elle-même dans les îles, plus de travaux, plus de défrichements et moins de mortalité en résulteront. Que les nègres créoles sont plus laborieux, plus tranquilles, mieux acclimatés, et par conséquent, moins sujets aux maladies que les nègres africains. Nous vous démontrerons que l'abolition de la traite sera avantageuse aux colons, parce que, n'ayant plus de noirs à acheter, ils ne seront plus obligés de contracter des dettes énormes envers les armateurs et capitalistes d'Europe, qui les engagent par leur crédit meurtrier à continuer ce recrutement pernicieux d'esclaves. Dettes dont le montant ne peut que se tripler rapidement par la hausse rapide et infaillible du prix des Noirs qui, ne pouvant plus se voler qu'à des distances immenses dans l'intérieur de l'Afrique, deviennent une marchandise très chère. Nous vous démontrerons que cette abolition sera même avantageuse à nos manufactures, parce que, dans cet ordre de choses, les planteurs ayant moins d'avances à faire et traitant mieux leurs esclaves, la population s'accroîtra rapidement et par conséquent, la consommation de nos denrées. Parce que le superflu des avances libres sera reversé sur les objets de nos manufactures, dont les maîtres et les esclaves consumeront une meilleure qualité et une plus grande quantité. Parce que cette consommation s'accroîtra encore lorsque les esclaves, pouvant disposer de leur travail, acquérir de l'aisance et leur liberté, adopteront nos goûts et nos habitudes et pourront consacrer une partie du fruit de leurs travaux à l'achat des marchandises européennes. Et ne vous laissez pas écarter du devoir que vous impose ici l'humanité par la crainte de quelque interruption dans les travaux peu nombreux qu'occasionne en France la traite des Noirs. Avez-vous écouté cette crainte lorsque, d'une main hardie, vous avez renversé tous les abus qui contrariaient une constitution libre? Ces abus alimentaient cependant des milliers d'individus. La commotion causée par cette révolution a jeté toutes les fortunes dans l'incertitude, fait resserrer les capitaux, suspendu presque tous les travaux. Quel mauvais citoyen ose cependant se plaindre de cette suspension nécessaire? Ce n'était pourtant pas votre sang que versaient vos tyrans. Ils ne violaient pas à chaque instant l'asile de votre maison. Ils ne vous condamnaient pas injustement pour avoir le droit de vous vendre. Ils ne vous arrachaient pas à vos foyers pour vous plonger dans une éternelle captivité et sur une terre étrangère. Or, si, pour recouvrer la liberté, à laquelle sans doute on doit sacrifier la vie même, vous n'avez pas balancé à suspendre le mouvement d'une immense société, pourriez-vous balancer, lorsqu'il s'agit du sang de milliers d'hommes, à suspendre le commerce de quelques individus par la crainte de compromettre leur fortune? Ils sont pères de famille. Et quoi? Ces nègres ne sont-ils pas pères aussi? N'ont-ils pas aussi une famille à entretenir? Mais d'ailleurs, on s'exagère toujours l'effet de ces commotions dans les travaux produites par de grandes inventions. Le travail peut être momentanément suspendu, mais il reprend bientôt pour une autre destination où un autre emploi lui succède. Et comment autrement expliquer l'effet de ces guerres qui, pendant longtemps, interrompent le commerce? La guerre dernière qui, pendant 6 ans, a suspendu la traite, a-t-elle fait descendre dans le tombeau les 5 à 6 millions d'individus dont, par un calcul extravagant, on attache l'existence à la traite? Comment encore expliquer l'effet de ces découvertes qui, simplifiant les travaux, paralyse les bras de milliers d'individus? La machine à filer le coton a, par exemple, réduit d'abord à une inaction momentanée plus d'ouvriers que l'abolition de la traite des Noirs ne le fera. Or, a-t-on balancé pour leur intérêt à employer partout l'heureuse découverte d'Arkwright? On prétend calculer l'effet futur de cette stanation par celle qui existe déjà dans les armements pour la traite. Stanation qu'on attribue à la réclamation de la Société des Amis des Noirs. Mais cette stanation est-elle aussi grande qu'on la peint? Est-elle le produit de la seule réclamation des Amis des Noirs? Ne tient-elle pas à cette cause générale de suspension, d'engourdissement qui attaque toutes les branches du commerce? À la stanation ou l'exportation du numéraire, au défaut de confiance, au défaut de gouvernement? Si nous examinions toutes ces questions, il nous serait facile de disculper la société. Mais cette justification est inutile. Les armements pour la traite languissent. Tant mieux, c'est un fléau de moins. Le coup est porté dans cette partie du commerce. Il ne peut que s'étendre, et au lieu de gémir sur ses conséquences, il faut s'occuper des moyens de changer le mal en bien, de substituer un commerce humain et utile à un commerce barbare, destructif et désavantageux. Cette circonstance même vous fait donc la loi de presser l'examen de notre pétition, et pour l'intérêt du commerce et des planteurs, vous devez hâter l'abolition de ce commerce qui, frappé dans l'opinion publique, ne pourrait jamais subsister, quand même l'Assemblée nationale ne le proscrirait pas. On vous dira sans doute qu'il suffirait d'adoucir la traite au lieu de l'abolir, qu'on pourrait en diminuer l'horreur. Vain palliatif ! Le Parlement d'Angleterre les a tentés, et la loi a été infructueuse. Les armateurs ont eux-mêmes déclaré que ces adoucissements étaient incompatibles avec la traite. Ainsi, ceux-là même qui sollicitent la continuation de cet exécrable trafic ont déclaré qu'en dernière analyse, pour le rendre profitable, il fallait conserver tout ce qu'il a d'atroce, que tout y est combiné, que la traite des Noirs devient un commerce ruineux si l'on ne peut pas, à tout risque, en entasser un grand nombre dans l'espace calculé rigoureusement pour un nombre beaucoup moindre, si l'on ne peut enfin contenir leur désespoir par la terreur. On vous dira, et c'est l'éternelle objection des armateurs, si nous abandonnons ce commerce, les Anglais en recueilleront seuls les fruits. Et qu'importe, si c'est un commerce infâme, d'en abandonner la honte et le profit à nos voisins. Pourquoi regretter d'ailleurs des profits qui ne sont qu'imaginaires, puisque ce commerce est ruineux par sa nature, puisqu'il n'y aurait qu'une chance inévitable de perte s'il n'y avait pas une prime pour la couvrir? Pourquoi regretter de céder ce commerce aux Anglais, aux étrangers, lorsqu'ils fournissent les 4/5 du commerce général et au moins le tiers du nôtre? Pourquoi regretter de le leur laisser, lorsqu'il a été démontré d'une manière incontestable par les auteurs anglais même, que ce commerce est le tombeau de la marine anglaise, que pour soutenir, d'une manière précaire et languissante, quelques maisons de commerce de Liverpool et de Bristol, on porte un préjudice immense au commerce en général, que l'abolition de la traite anglaise serait tout à la fois avantageuse aux colonies anglaises et aux revenus publics? N'en doutons pas. Le moment où ce commerce sera aboli, même en Angleterre, n'est pas éloigné. Il y est condamné dans l'opinion publique, dans l'opinion même des ministres. Le Parlement ne se serait pas prêté à la solennité de ce grand procès, n'en aurait pas ordonné l'instruction dans le plus grand détail, s'il n'eût pas prévu qu'il ne restait plus qu'à motiver sa destruction. Elle semble éprouver des lenteurs. C'est que le ministère, et il existe des preuves de ce fait, s'occupe en silence des moyens de montrer, à l'instant même où l'abolition de la traite sera prononcée, un remplacement qui présente immédiatement au commerce anglais, habitué aux expéditions pour l'Afrique, une occupation propre à le dédommager. Ces lenteurs dans la décision touchent à leur fin, et l'empressement avec lequel le Parlement vient de déclarer qu'il s'occuperait immédiatement et constamment de cette manière importante dans cette session, prouve l'opinion générale de ses membres, qu'il n'est pas un moment à perdre pour arrêter l'effusion du sang africain. Et comment a-t-on pu sérieusement avancer que cette marche du Parlement, de la nation anglaise, des ministres, n'était qu'un jeu pour nous tromper? Peut-il exister un pareil concert parmi tant d'individus dont les intérêts sont si différents et si opposés? Peut-on supposer ce concert miraculeux pour conserver, à quelques maisons de Liverpool, le privilège exclusif de continuer un commerce inhumain? Enfin, l'on vous dira, pour vous détourner d'une matière aussi pressante, qu'abolir la traite, que même en prendre la résolution en considération, c'est allumer la révolte parmi les Noirs. Tel était aussi le langage qu'on tenait autrefois pour empêcher la réforme des abus parmi nous. Est-ce donc avec des actes de bienfaisance qu'on irrite les hommes? Ah, si les oppresseurs des Noirs sont, à force de tourments et d'humiliations, parvenus à éteindre presque tous les sentiments dans leur âme, ils n'ont pas au moins éteint celui de la reconnaissance. Et de quelle reconnaissance ne seront-ils pas pénétrés quand ils apprendront que la première assemblée de la France veut adoucir leur sort, empêcher à jamais le meurtre de leurs semblables, leurs chaînes leur sembleront moins pesantes en pensant que, peut-être un jour, leurs enfants n'en seront plus accablés. Ils n'ensevelliront plus leur postérité dans le néant. Mieux traités, ils attendront avec patience le moment où leur esclavage devra finir et la sédition sera loin de leur âme. Est-on séditieux au sein de bons traitements? Si quelque motif pouvait au contraire les porter à l'insurrection, ne serait-ce pas l'indifférence de l'Assemblée nationale sur leur sort? Ne serait-ce pas la persévérance à les charger de chaînes lorsqu'on consacre partout cet axiome éternel que tous les hommes sont nés libres et égaux en droit? Et quoi donc? Il n'y aurait pour les Noirs que des fers et des gibets lorsque le bonheur luirait pour les seuls Blancs? N'en doutons pas. Notre heureuse révolution doit réélectriser les Noirs que la vengeance et le ressentiment ont électrisés depuis longtemps. Et ce n'est point avec des supplices qu'on réprimera l'effet de cette commotion. D'une insurrection mal apaisée en naîtront 20 autres, dont une seule peut ruiner à jamais les colons. Il n'est qu'un moyen pour les prévenir. C'est l'abolition de la traite. C'est au moins la résolution prise par cette assemblée de s'en occuper sans délai. La nouvelle d'un décret, même préparatoire, produira 2 bons effets à la fois. Elle calmera l'effervescence des Noirs, elle forcera les planteurs, qui n'attendront bientôt plus de recrues africaines, à mieux traiter leurs Noirs. Ainsi vous arrêterez, d'un seul mot, l'effusion du sang sur les côtes d'Afrique, les traitements barbares dans nos îles, et vous préparerez, par un autre ordre de choses, une prospérité durable pour nos colonies. Et ne vous laissez point effrayer par la crainte d'exciter le ressentiment des villes engagées dans la traite et de les voir s'opposer à la révolution. C'est les outrager que de leur prêter une pareille vengeance, c'est s'outrager que de la craindre. Malheur aux villes qui, pour se venger d'un juste décret, auraient recours à une opposition aussi criminelle. Elles ne seraient pas dignes d'être libres. Malheur aux législateurs qui écouteraient ces craintes. Ils seraient indignes de leur titre. Si donc vous attachez le plus grand intérêt et à votre gloire et au respect pour les grands principes et à la conservation des colonies, hâtez-vous, non d'abolir la traite, nous ne cherchons pas à précipiter cette décision, quoique nous soyons convaincus de sa justice et de ses avantages, mais hâtez-vous de prendre promptement en considération la demande de cette abolition. Et si les grands objets qui fixent maintenant vos regards ne vous permettent pas de nous entendre et d'examiner tous les faits et les calculs que nous pouvons vous offrir, hâtez-vous au moins de déclarer vos principes sur cette question, de déclarer à l'univers que vous ne prétendez pas les écarter lorsqu'il s'agit de l'intérêt d'une autre nation. L'honneur du nom français l'exige. Les peuples libres d'autrefois ont déshonoré la liberté en consacrant l'esclavage qui leur était profitable. Il est digne de la première assemblée libre de la France de consacrer le principe de philanthropie qui ne fait du genre humain qu'une seule famille, de déclarer qu'elle a en horreur ce carnage annuel qui se fait sur les côtes d'Afrique, qu'elle est dans l'intention de l'abolir un jour, d'adoucir l'esclavage qui en est le résultat, d'en rechercher, d'en préparer dès à présent les moyens. Nous vous en conjurons, au nom des colonies mêmes, qu'une pareille déclaration peut seule tranquilliser. Au nom de votre gloire, au nom de la justice, au nom de l'humanité, à laquelle un mois, un jour de délai coûte de flots de sang. Nous vous en conjurons enfin, au nom du ciel, qui contemple sans doute avec joie la révolution que vous avez opérée, qui la bénira, qui la protégera bien plus fortement en vous voyant employer votre pouvoir pour essuyer les larmes de ces infortunés contre lesquels la cupidité européenne conspire depuis si longtemps. Imprimé par ordre de la Société, 5 février 1790. Signé Brissot de Varville, président. Lepage, secrétaire. Fin de l'abolition de la traite des Noirs par la Société des Amis des Noirs de Paris, enregistrée par Ezoy en mai 2008. L'ascension du Mont Ventoux par François Pétrarque, traduit par Victor Develay. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. orgue. Enregistré par Aldor. L'ascension du Mont Ventoux. François Pétrarque à Denis Robert, de Borgo San Sepolcro, salut. J'ai fait aujourd'hui l'ascension de la plus haute montagne de cette contrée, que l'on nomme avec raison le Ventoux, guidé uniquement par le désir de voir la hauteur extraordinaire du lieu. Il y avait plusieurs années que je nourrissais ce projet, car, comme vous le savez, je vis dès mon enfance dans ces parages grâce au destin qui bouleverse les choses humaines. Cette montagne, que l'on découvre au loin de toutes parts, est presque toujours devant les yeux. Je résolus de faire enfin ce que je faisais journellement, d'autant plus que la veille, en relisant l'histoire romaine de Tite-Live, j'étais tombé par hasard sur le passage où Philippe, roi de Macédoine, celui qui fit la guerre au peuple romain, gravit le mont Emus en Thessalie, du sommet duquel il avait cru par ouï dire que l'on apercevait deux mers, l'Adriatique et le Xin. Est-ce vrai ou faux? Je ne puis rien affirmer, parce que cette montagne est trop éloignée de notre région et que le dissentiment des écrivains rend le fait douteux, car, pour ne point les citer tous, le cosmographe Pomponius Mela déclare sans hésitation que c'est vrai. Tite-Live pense que cette opinion est fausse. Pour moi, si l'exploration de l'Emus m'était aussi facile que l'a été celle du Ventoux, je ne laisserais pas longtemps la question indécise. Au surplus, mettant de côté la première de ces montagnes pour en venir à la seconde, j'ai cru qu'on excuserait dans un jeune particulier ce que l'on ne blâme point dans un vieux roi. Mais quand je songeais au choix d'un compagnon, chose étonnante, pas un de mes amis ne parut me convenir sous tous les rapports. Tant est rare, même entre personnes qui s'aiment, le parfait accord des volontés et des caractères. L'un était trop mou, l'autre trop actif, celui-ci trop lent, celui-là trop vif, tel trop triste, tel trop gai. Celui-ci était plus fou, celui-là plus sage que je ne voulais. L'un m'effrayait par son silence, l'autre par sa turbulence, celui-ci par sa pesanteur et son embonpoint, celui-là par sa maigreur et sa faiblesse. La froide insouciance de l'un et l'ardente activité de l'autre me rebutaient. Ces inconvénients, tout fâcheux qu'ils sont, se tolèrent à la maison, car la charité supporte tout et l'amitié ne refuse aucun fardeau, mais en voyage, ils deviennent plus désagréables. Ainsi, mon esprit difficile et avide d'un plaisir honnête pesait chaque chose en l'examinant, sans porter la moindre atteinte à l'amitié, et condamnait tout bas tout ce qu'il prévoyait pouvoir devenir une gêne pour le voyage projeté. Qu'en pensez-vous? À la fin, je me tourne vers une assistance domestique, et je fais part de mon dessein à mon frère unique, moins âgé que moi, et que vous connaissez bien. Il ne pouvait rien entendre le plus agréable, et il me remercia de voir en lui un ami en même temps qu'un frère. Au jour fixé, nous quittâmes la maison, et nous arrivâmes le soir à Malocène, lieu situé au pied de la montagne, du côté du nord. Nous y restâmes une journée, et aujourd'hui enfin nous fîmes l'ascension avec nos deux domestiques, non sans de grandes difficultés, car cette montagne est une masse de terre rocheuse taillée à pic, est presque inaccessible. Mais le poète a dit avec raison, un labeur opiniâtre vient à bout de tout. La longueur du jour, la douceur de l'air, la vigueur de l'âme, la force et la dextérité du corps et d'autres circonstances nous favorisaient. Notre seul obstacle était dans la nature des lieux. Nous trouvâmes dans les gorges de la montagne un pâtre d'un âge avancé qui s'efforça par beaucoup de paroles de nous détourner de cette ascension. Il nous dit que 50 ans auparavant, animé de la même ardeur juvénile, il avait monté jusqu'au sommet, mais qu'il n'avait rapporté de là que repentir et fatigue, ayant eu le corps et les vêtements déchirés par les pierres et les ronces. Il ajoutait que jamais, ni avant, ni depuis, on avait ouï dire que personne n'eût osé en faire autant. Pendant qu'il prononçait ces mots d'une voix forte, comme les jeunes gens sont sourds aux conseils qu'on leur donne, sa défense redoublait notre envie. Voyant donc que ses efforts étaient vains, le vieillard fit quelques pas et nous montra du doigt un sentier ardu à travers les rochers, en nous faisant mille recommandations qu'il répéta encore derrière nous quand nous nous éloignâmes. Après avoir laissé entre ses mains les vêtements et autres objets qui nous embarrassaient, nous nous équipâmes uniquement pour opérer l'ascension et nous montâmes lestement. Mais comme il arrive toujours, ce grand effort fut suivi d'une prompte fatigue. Nous nous arrêtâmes donc non loin de là sur un rocher. Nous nous remîmes ensuite en marche, mais plus lentement. Moi surtout, je m'acheminais d'un pas plus modéré. Mon frère, par une voie plus courte, tendait vers le haut de la montagne. Moi, plus mou, je me dirigeais vers le bas. Et comme il me rappelait et me désignait une route plus directe, je lui répondis que j'espérais trouver d'un autre côté un passage plus facile et que je ne craignais point un chemin plus long mais plus commode. Je couvrais ma mollesse de cette excuse et pendant que les autres occupaient déjà les hauteurs, j'errais dans la vallée sans découvrir un accès plus doux, mais ayant allongé ma route et doublé inutilement ma peine. Déjà accablé de lassitude, je regrettai d'avoir fait fausse route et je résolus tout de bon de gagner le sommet. Lorsque, plein de fatigue et d'anxiété, je rejoins mon frère qui m'attendait et s'était reposé en restant longtemps assis, nous marchâmes quelque temps d'un pas égal. À peine avions-nous quitté cette colline, voilà qu'oubliant mon premier détour, je m'enfonce de rechef vers le bas de la montagne. Je parcours une seconde fois la vallée et, en cherchant une route longue et facile, je tombe dans une longue difficulté. Je différai la peine de monter, mais le génie de l'homme ne supprime pas la nature des choses, et il est impossible qu'un corps parvienne en haut en descendant. Bref, cela m'arriva 3 ou 4 fois en quelques heures à mon grand mécontentement, et non sans faire rire mon frère. Après avoir été si souvent déçu, je m'assis au fond d'une vallée. Là, sautant par une pensée rapide des choses matérielles aux choses immatérielles, je m'apostrophai moi-même en ces termes ou à peu près. Ce que tu as éprouvé tant de fois dans l'ascension de cette montagne, sache que cela arrive à toi et à beaucoup de ceux qui marchent vers la vie bienheureuse. Mais on ne s'en aperçoit pas aussi aisément, parce que les mouvements du corps sont manifestes, tandis que ceux de l'âme sont invisibles et cachés. La vie que nous appelons bienheureuse est située dans un lieu élevé. Un chemin étroit, dit-on, y conduit. Plusieurs collines se dressent aussi dans l'intervalle, et il faut marcher de vertu en vertu par de glorieux degrés. Au sommet est la fin de tout, et le terme de la route qui est le but de notre voyage. Nous voulons tous y parvenir, mais, comme dit Ovide, c'est peu de vouloir. Pour posséder une chose, il faut la désirer vivement. Pour toi, assurément, à moins que tu ne te trompes en cela comme en beaucoup de choses, non seulement tu veux, mais tu désires. Qu'est-ce qui te retient donc? Rien d'autre à coup sûr que la route plus unie, et, comme elle semble au premier aspect, plus facile des voluptés terrestres et infimes. Mais quand tu te seras longtemps égaré, il te faudra ou gravir, sous le poids d'une fatigue différée mal à propos, vers la cime de la vie bienheureuse, ou tomber lâchement dans le bas-fond de tes péchés. Ici, m'en préserve le ciel, les ténèbres et l'ombre de la mort te trouvent là, tu passeras une nuit éternelle dans des tourments sans fin. On ne saurait croire combien cette pensée redonna du courage à mon âme et à mon corps pour ce qu'il me restait à faire. Et plût à Dieu que j'accomplisse avec mon âme le voyage avec lequel je soupire jour et nuit, en triomphant enfin de toutes les difficultés, comme j'ai fait aujourd'hui pour ce voyage pédestre. Je ne sais si ce que l'on peut faire par la magie les immortels, sans bouger de place et en un clin d'œil, n'est pas beaucoup plus facile que ce qu'il faut opérer pendant un laps de temps, à l'aide d'un corps mortel et périssable, et sous le pesant fardeau des membres. Le pic le plus élevé est nommé par les paysans le Fils. J'ignore pourquoi, à moins que ce ne soit par antiphrase, comme cela arrive quelquefois, car il paraît véritablement le père de toutes les montagnes voisines. Au sommet de ce pic est un petit plateau. Nous nous y reposâmes enfin de nos fatigues. Et puisque vous avez écouté les réflexions qui ont assailli mon âme pendant que je gravissais la montagne, écoutez encore le reste, mon père, et accordez, je vous prie, une heure de votre temps à la lecture des actes d'une de mes journées. Tout d'abord, frappé du souffle inaccoutumé de l'air et de la vaste étendue du spectacle, je restais immobile de stupeur. Je regarde. Les nuages étaient sous mes pieds. L'Athos et l'Olympe me sont devenus moins incroyables depuis que j'ai vu sur une montagne de moindre réputation ce que j'avais lu et appris d'eux. Je dirige ensuite mes regards vers la partie de l'Italie où mon cœur incline le plus. Les Alpes, debout et couvertes de neige, à travers lesquelles le cruel ennemi du nom romain se fraya jadis un passage en perçant les rochers avec du vinaigre, si l'on en croit la renommée, me parurent tout près de moi, quoiqu'elles fussent à une grande distance. J'ai soupiré, je l'avoue, devant le ciel de l'Italie qui apparaissait à mon imagination plus qu'à mes regards, et je fus pris d'un désir inexprimable de revoir et mon ami et ma patrie. Ce ne fut pas toutefois sans que je blâmasse la mollesse du sentiment peu viril qu'attestait ce double vœu, quoique je pusse invoquer une double excuse appuyée du témoignage de grandes autorités. Ensuite, une nouvelle pensée s'empara de mon esprit et le transporta des lieux vers le temps. Je me disais, il y a aujourd'hui 10 ans qu'au sortir des études de ta jeunesse, tu as quitté Bologne. Ô Dieu immortel, ô sagesse immuable, que de grands changements se sont opérés dans ta conduite durant cet intervalle. Je laisse de côté ce sujet infini, car je ne suis pas encore dans le port pour songer tranquillement aux orages passés. Il viendra peut-être un temps où j'énumérerai par ordre toutes mes fautes en citant d'abord cette parole de votre cher Augustin. Je veux me rappeler mes souillures passées et les corruptions charnelles de mon âme, non que je les aime, mais pour que je vous aime, ô mon Dieu. Il me reste encore à accomplir une tâche très difficile et très pénible. Ce que j'avais coutume d'aimer, je ne l'aime plus. Je mens. Je l'aime, mais modérément. Je mens encore une fois. Je l'aime, mais en rougissant et avec chagrin. J'ai dit enfin la vérité. Oui, j'aime. Mais ce que j'aimerais à ne point aimer, ce que je voudrais haïr. J'aime cependant, mais malgré moi, mais par force, mais avec tristesse et avec larmes, et je vérifie en moi-même le sens de ce vers si fameux. Je haïrai si je puis, sinon j'aimerai malgré moi. 3 ans ne se sont pas encore écoulés depuis que cette volonté perverse et coupable, qui me possédait tout entier et régnait seule sans contradicteur dans le palais de mon âme, a commencé à rencontrer une autre volonté rebelle et luttant contre elle. Depuis longtemps, entre ces volontés, il se livre dans le champ de mes pensées, au sujet de la prééminence de l'un et de l'autre homme, un combat très rude et maintenant encore indécis. C'est ainsi que je parcourais en imagination mes 10 dernières années. Puis je me reportais vers l'avenir et je me demandais si par hasard il t'était donné de prolonger cette vie éphémère pendant 2 autres lustres. Et de t'approcher de la vertu à proportion autant que pendant ces 2 années, grâce à la lutte de ta nouvelle volonté contre l'ancienne. Tu t'es relâché de ta première obstination, ne pourrais-tu pas alors, quoiqu'ayant non la certitude mais du moins l'espérance, mourir à 40 ans et renoncer sans regret à ce restant de vie qui décline vers la vieillesse. Telles sont, ou à peu près, mon père, les pensées qui me revenaient à l'esprit. Je me réjouissais de mon avancement, je pleurais mon imperfection, et je déplorais la mutabilité ordinaire des choses humaines. Je paraissais avoir oublié en quelque sorte pour quel motif j'étais venu là, jusqu'à ce qu'enfin, laissant de côté des réflexions pour lesquelles un autre lieu était plus opportun, je regardasse et visse ce que j'étais venu voir. Averti par le soleil qui commençait à baisser et par l'ombre croissante de la montagne que le moment de partir approchait, je me réveillai pour ainsi dire et tournant le dos, je regardai du côté de l'Occident. On n'aperçoit pas de là la cime des Pyrénées, ses limites de la France et de l'Espagne, non qu'il y ait quelque obstacle que je sache, mais uniquement à cause de la faiblesse de la vue humaine. On voyait très bien, à droite, les montagnes de la province lyonnaise, et à gauche, la mer de Marseille et celle qui baigne Aigues-Mortes, distante de quelques jours de marche. Le Rhône était sous nos yeux. Pendant que j'admirais tout cela, tantôt ayant des goûts terrestres, tantôt élevant mon âme à l'exemple de mon corps, je voulus regarder le livre des confessions de saint Augustin, présent de votre amitié, que je conserve en souvenir de l'auteur et du donateur, et que j'ai toujours entre les mains. J'ouvre ce bréviaire, d'un très petit volume, mais d'un charme infini, pour lire ce qui se présenterait, car que pouvait-il se présenter, si ce n'est des pensées pieuses et dévotes. Je tombai par hasard sur le 10e livre de cet ouvrage. Mon frère, désireux d'entendre par ma bouche quelque chose de saint Augustin, se tenait debout, l'oreille attentive. J'atteste Dieu, et celui qui était à côté de moi, qu'aussitôt que j'eus jeté les yeux sur le livre, j'ai lu « Les hommes s'en vont admirer les cimes des montagnes, les vagues de la mer, le vaste cours des fleuves, les circuits de l'océan, les révolutions des astres. Et ils se délestent même. » Je fus frappé d'étonnement, je l'avoue, et, priant mon frère, avide d'entendre, de ne pas me troubler, je fermai le livre. J'étais irrité contre moi-même d'admirer maintenant encore les choses de la terre, quand depuis longtemps j'aurais dû apprendre à l'école même des philosophes des gentils qu'il n'y a d'admirable que l'âme pour qui, lorsqu'elle est grande, rien n'est grand. Alors, trouvant que j'avais assez vu la montagne, je détournai sur moi-même mes regards intérieurs et dès ce moment, on ne m'entendit plus parler jusqu'à ce que nous fussions parvenus en bas. Cette parole m'avait fourni une ample occupation muette. Je ne pouvais penser qu'elle fût l'œuvre du hasard. Tout ce que j'avais lu là, je le croyais dit pour moi et non pour un autre. Je me rappelais que saint Augustin avait eu jadis la même opinion pour lui-même quand, comme il le raconte, lisant le livre de l'apôtre, ce passage lui tomba d'abord sous les yeux. « Marchons loin de la débauche et de l'ivrognerie, des sales plaisirs et des impudicités, des dissensions et des jalousies. Mais revêtez-vous de Jésus-Christ notre Seigneur et n'ayez point d'égard pour votre chair en ce qui regarde ses convoitises. » Cela était arrivé auparavant à saint Antoine lorsqu'il entendit ces paroles de l'Évangile. « Si vous voulez être parfait, allez vendre ce que vous avez et donnez-le aux pauvres, et vous aurez un trésor dans le ciel. Après cela, venez et suivez-moi. » Comme si ces paroles s'adressaient à lui, saint Antoine, au rapport de l'historien de sa vie, saint Athanase, se soumit au joug du Seigneur. De même que saint Antoine, après avoir entendu cela, n'en demanda pas davantage, et de même que saint Augustin, après avoir lu cela, n'alla pas plus loin, ma lecture se borna aux quelques paroles que je viens de citer. Je réfléchis en silence au peu de sagesse des mortels qui, négligeant la plus noble partie d'eux-mêmes, se répandent partout et se perdent en vains spectacles, cherchant au dehors ce qu'ils pouvaient trouver en eux. J'admirais la noblesse de notre âme, si, dégénérant volontairement, elle ne s'écartait pas de son origine et ne convertissait pas elle-même en opprobre ce que Dieu lui avait donné pour s'en faire honneur. Pendant cette descente, chaque fois que je me retournais pour regarder la cime de la montagne, elle me paraissait à peine haute d'une coudée en comparaison de la hauteur de la nature humaine si l'on ne la plongeait dans la fange des souillures terrestres. Je me disais aussi à chaque pas, si je n'ai pas craint d'endurer tant de sueurs et de fatigues pour que mon corps s'approchât un peu du ciel, quel gibet, quelle prison, quel chevalet devrait effrayer mon âme marchant vers Dieu et foulant aux pieds la cime de l'orgueil et les destinées humaines. Et encore, à combien arrivera-t-il de ne point s'éloigner de ce sentier par la crainte des souffrances, ni par le désir des voluptés? Oh, trop heureux celui-là, s'il existe quelque part. c'est de lui, j'imagine, que le poète a dit « Heureux qui a pu connaître les principes des choses et qui a mis sous ses pieds la crainte de la mort, l'inexorable destin et le bruit de la Varachiron. » Oh, avec quels ailes nous devrions faire en sorte d'avoir sous nos pieds non les hauteurs de la terre, mais les appétits que soulèvent en nous les impulsions terrestres. Parmi ces mouvements d'un cœur agité, ne m'apercevant pas de l'âpreté du chemin, je revins au milieu de la nuit à l'hôtellerie rustique d'où j'étais parti avant le jour. Un clair de lune avait prêté à notre marche son aide agréable. Pendant que les domestiques sont occupés à apprêter le souper, je me suis retiré seul dans un coin caché de la maison pour vous écrire cette lettre à la hâte et sans préparation, de peur que si je différais, mes sentiments venant peut-être à changer suivant les lieux, mon désir de vous écrire ne se refroidit. Vous voyez, tendre père, combien je veux que rien de moi n'échappe à vos regards, puisque je vous découvre avec tant de soin non seulement ma vie tout entière, mais chacune de mes pensées. En revanche, priez de grâce pour que ces pensées, si longtemps vagabondes et inconstantes, s'arrêtent enfin, et qu'après avoir été ballottées inutilement de tous côtés, elles se tournent vers le seul bien, vrai, certain, immuable. Adieu. Malocène, le 26 avril. Fin de l'Ascension du Mont Ventoux par François Pétrarque, traduit par Victor Develay. J'accuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezoi. J'accuse. Lettre au Président de la République parue dans l'Aurore le 13 janvier 1898, d'Émile Zola. Lettre à M. Félix Faure, Président de la République. Monsieur le Président, me permettez-vous, dans ma gratitude pour le bienveillant accueil que vous m'avez fait un jour, d'avoir le souci de votre juste gloire et de vous dire que votre étoile, si heureuse jusqu'ici, est menacée de la plus honteuse, de la plus ineffaçable des tâches? Vous êtes sorti sain et sauf des basses calomnies, vous avez conquis les cœurs. Vous apparaissez rayonnant dans l'apothéose de cette fête patriotique que l'Alliance russe a été pour la France. Et vous vous préparez à présider au solennel triomphe de notre exposition universelle qui couronnera notre grand siècle de travail, de vérité et de liberté. Mais quelle tache de boue sur votre nom, j'allais dire sur votre règne, que cette abominable affaire Dreyfus! Un conseil de guerre vient, par ordre, d'oser acquitter un Esterhazy, soufflet suprême à toute vérité, à toute justice. Et c'est fini. La France a sur la joue cette souillure. L'histoire écrira que c'est sous votre présidence qu'un tel crime social a pu être commis. Puisqu'ils ont osé, j'oserai aussi, moi. La vérité, je la dirai, car j'ai promis de la dire, si la justice, régulièrement saisie, ne la faisait pas, pleine et entière. Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocent qui expie là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu'il n'a pas commis. Et c'est à vous, monsieur le Président, que je la crierai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. Et à qui donc dénoncerai-je la tourbe malfaisante des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier magistrat du pays? La vérité d'abord sur le procès et sur la condamnation de Dreyfus. Un homme néfaste a tout mené, a tout fait. C'est le colonel du Paty de Clam, alors simple commandant. Il est l'affaire Dreyfus tout entière. On ne la connaîtra que lorsqu'une enquête loyale aura établi nettement ses actes et ses responsabilités. Il apparaît comme l'esprit le plus fumeux, le plus compliqué, hanté d'intrigues romanesques, se complaisant au moyen des romans feuilletons, les papiers volés, les lettres anonymes, les rendez-vous dans les endroits déserts, les femmes mystérieuses qui colportent la nuit des preuves accablantes. C'est lui qui imagina de dicter le bordereau à Dreyfus. C'est lui qui rêva de l'étudier dans une pièce entièrement revêtue de glace. C'est lui que le commandant Forzinetti nous représente armé d'une lanterne sourde, voulant se faire introduire près de l'accusé endormi pour projeter sur son visage un brusque flot de lumière et surprendre ainsi son crime dans l'émoi du réveil. Et je n'ai pas à tout dire. Qu'on cherche, on trouvera. Je déclare simplement que le commandant du paty de Clam, chargé d'instruire l'affaire Dreyfus comme officier judiciaire, est, dans l'ordre des dates et des responsabilités, le premier coupable de l'effroyable erreur judiciaire qui a été commise. Le bordereau était depuis quelque temps déjà entre les mains du colonel Sander, directeur du bureau des renseignements, mort depuis de paralysie générale. Des fuites avaient lieu, des papiers disparaissaient, comme il en disparaît aujourd'hui encore. Et l'auteur du bordereau était recherché lorsqu'un a priori se fit peu à peu que cet auteur ne pouvait être qu'un officier de l'état-major et un officier d'artillerie. Double erreur manifeste, qui montre avec quel esprit superficiel on avait étudié ce bordereau, car un examen raisonné démontre qu'il ne pouvait s'agir que d'un officier de troupe. On cherchait donc dans la maison, on examinait les écritures. C'était comme une affaire de famille, un traître à surprendre dans les bureaux mêmes pour l'en expulser. Et sans que je veuille refaire ici une histoire connue en partie, le commandant du paty de Clam entre en scène, dès qu'un premier soupçon tombe sur Dreyfus. À partir de ce moment, c'est lui qui a inventé Dreyfus. L'affaire devient son affaire. Il se fait fort de confondre le traître, de l'amener à des aveux complets. Il y a bien le ministre de la guerre, le général Mercier, dont l'intelligence semble médiocre. Il y a bien le chef de l'état-major, le général de Boisdeffre, qui paraît avoir cédé à sa passion cléricale, et le sous-chef de l'état-major, le général Gonze, dont la conscience a pu s'accommoder de beaucoup de choses. Mais au fond, il n'y a d'abord que le commandant du paty de Clam qui les mène tous, qui les hypnotise, car il s'occupe aussi de spiritisme, d'occultisme, il converse avec les esprits. On ne croira jamais les expériences auxquelles il a soumis le malheureux Dreyfus, les pièges dans lesquels il a voulu le faire tomber, les enquêtes folles, les imaginations monstrueuses, toute une démence torturante. Ah, cette première affaire, elle est un cauchemar pour qui la connaît dans ses détails vrais. Le commandant du paty de Clam arrête Dreyfus, le met au secret. Il court chez Madame Dreyfus, la terrorise, lui dit que si elle parle, son mari est perdu. Pendant ce temps, le malheureux s'arrachait la chair, hurlait son innocence. Et l'instruction a été faite ainsi, comme dans une chronique du XVe siècle, au milieu du mystère, avec une complication d'expédients farouches, tout cela basé sur une seule charge enfantine, ce bordereau imbécile, qui n'était pas seulement une trahison vulgaire, qui était aussi la plus impudente des escroqueries, car les fameux secrets livrés se trouvaient presque tous sans valeur. Si j'insiste, c'est que l'œuf est ici, d'où va sortir plus tard le vrai crime, l'épouvantable déni de justice dont la France est malade. Je voudrais faire toucher du doigt comment l'erreur judiciaire a pu être possible, comment elle est née des machinations du commandant du paty de Clam, comment le général Mercier, les généraux de Boisdeffre et Gonze ont pu s'y laisser prendre, engager peu à peu leur responsabilité dans cette erreur qu'ils ont cru devoir, plus tard, imposer comme la vérité sainte, une vérité qui ne se discute même pas. Au début, il n'y a donc de leur part que de l'incurie et de l'inintelligence. Tout au plus, laissant-on céder aux passions religieuses du milieu et aux préjugés de l'esprit de corps. Ils ont laissé faire la sottise. Mais voici Dreyfus devant le conseil de guerre. Le huis clos le plus absolu est exigé. Un traître aurait ouvert la frontière à l'ennemi pour conduire l'empereur allemand jusqu'à Notre-Dame, qu'on ne prendrait pas des mesures de silence et de mystère plus étroites. La nation est frappée de stupeur. On chuchote des faits terribles, de ces trahisons monstrueuses qui indignent l'histoire, et naturellement la nation s'incline. Il n'y a pas de châtiment assez sévère. Elle applaudira à la dégradation publique. Elle voudra que le coupable reste sur son rocher d'infamie dévoré par les remords. Est-ce donc vrai? Les choses indicibles, les choses dangereuses, capables de mettre l'Europe en flammes, qu'on a dû enterrer soigneusement derrière ce huis clos? Non, il n'y a eu, derrière, que les imaginations romanesques et démentes du commandant du paty de Clam. Tout cela n'a été fait que pour cacher le plus saugrenu des romans feuilletons. Et il suffit, pour s'en assurer, d'étudier attentivement l'acte d'accusation lu devant le conseil de guerre. Ah, le néant de cet acte d'accusation! Qu'un homme ait pu être condamné sur cet acte, c'est un prodige d'iniquité. Je défie les honnêtes gens de le lire sans que leur cœur bondisse d'indignation et crie leur révolte en pensant à l'expiation démesurée, là-bas, à l'île du diable. Dreyfus sait plusieurs langues. Crime. On n'a trouvé chez lui aucun papier compromettant. Crime. Il va parfois dans son pays d'origine. Crime. Il est laborieux, il a le souci de tout savoir. Crime. Il ne se trouble pas. Crime. Il se trouble. Crime. Et les naïvetés de rédaction, les formelles assertions dans le vide. On nous avait parlé de 14 chefs d'accusation. Nous n'en trouvons qu'une seule en fin de compte, celle du bordereau. Et nous apprenons même que les experts n'étaient pas d'accord, qu'un d'eux, M. Gobert, a été bousculé militairement parce qu'il se permettait de ne pas conclure dans le sens désiré. On parlait aussi de 23 officiers qui étaient venus accabler Dreyfus de leurs témoignages. Nous ignorons encore leurs interrogatoires, mais il est certain que tous ne l'avaient pas chargé, et il est à remarquer, en outre, que tous appartenaient au bureau de la guerre. C'est un procès de famille. On est là entre soi, et il faut s'en souvenir. L'état-major a voulu le procès, l'a jugé, et il vient de le juger une seconde fois. Donc, il ne restait que le bordereau sur lequel les experts ne s'étaient pas entendus. On raconte que, dans la chambre du conseil, les juges allaient naturellement acquitter. Et dès lors, comme on comprend l'obstination désespérée avec laquelle, pour justifier la condamnation, on affirme aujourd'hui l'existence d'une pièce secrète, accablante, la pièce qu'on ne peut montrer, qui légitime tout, devant laquelle nous devons nous incliner, le bon Dieu invisible et inconnaissable. Je la nie, cette pièce. Je la nie de toute ma puissance. Une pièce ridicule, oui. Peut-être la pièce où il est question de petite femme, et où il est parlé d'un certain D qui devient trop exigeant, quelque mari sans doute, trouvant qu'on ne lui payait pas sa femme assez cher. Mais une pièce intéressant la défense nationale, qu'on ne saurait produire sans que la guerre fût déclarée demain? Non, non! C'est un mensonge. Et cela est d'autant plus odieux et cynique qu'ils mentent impunément sans qu'on puisse les en convaincre. Ils ameutent la France, ils se cachent derrière sa légitime émotion, ils ferment les bouches en troublant les cœurs, en pervertissant les esprits. Je ne connais pas de plus grand crime civique. Voilà donc, monsieur le président, les faits qui expliquent comment une erreur judiciaire a pu être commise. Et les preuves morales, la situation de fortune de Dreyfus, l'absence de motifs, son continuel cri d'innocence achève de le montrer comme une victime des extraordinaires imaginations du commandant du paty de Clam, du milieu clérical où il se trouvait, de la chasse aux sales juifs qui déshonorent notre époque. Et nous arrivons à l'affaire Esterhazy. 3 ans se sont passés. Beaucoup de consciences restent troublées profondément, s'inquiètent, cherchent, finissent par se convaincre de l'innocence de Dreyfus. Je ne ferai pas l'historique des doutes puis de la conviction de M. Scherer-Kestner. Mais pendant qu'il fouillait de son côté, il se passait des faits graves à l'état-major même. Le colonel Sander était mort, et le lieutenant-colonel Picard lui avait succédé comme chef du bureau des renseignements. Et c'est à ce titre, dans l'exercice de ses fonctions, que ce dernier eut un jour entre les mains une lettre-télégramme adressée au commandant Esterhazy par un agent d'une puissance étrangère. Son devoir strict était d'ouvrir une enquête. La certitude est qu'il n'a jamais agi en dehors de la volonté de ses supérieurs. Il soumit donc ses soupçons à ses supérieurs hiérarchiques, le général Gonse, puis le général de Boisdeffre, puis le général Billot, qui avait succédé au général Mercier comme ministre de la guerre. Le fameux dossier Picard, dont il a été tant parlé, n'a jamais été que le dossier Billot. J'entends le dossier fait par un subordonné pour son ministre, le dossier qui doit exister encore au ministère de la guerre. Les recherches durèrent de mai à septembre 1896. Et ce qu'il faut affirmer bien haut, c'est que le général de Boisdeffre et le général Billot ne mettaient pas en doute que le fameux bordereau fût de l'écriture d'Esterhazy. L'enquête du lieutenant-colonel Picard avait abouti à cette constatation certaine. Mais l'émoi était grand, car la condamnation d'Esterhazy entraînait inévitablement la révision du procès Dreyfus, et c'était ce que l'état-major ne voulait à aucun prix. Il dut y avoir là une minute psychologique pleine d'angoisse. Remarquez que le général Billot n'était compromis dans rien. Il arrivait tout frais, il pouvait faire la vérité. Il n'osa pas, dans la terreur sans doute de l'opinion publique, certainement aussi dans la crainte de livrer tout l'état-major, le général de Boisdeffre, le général Gonse, sans compter les sous-ordres. Puis ce ne fut là qu'une minute de combat entre sa conscience et ce qu'il croyait être l'intérêt militaire. Quand cette minute fut passée, il était déjà trop tard. Il s'était engagé, il était compromis. Et depuis lors, sa responsabilité n'a fait que grandir. Il a pris à sa charge le crime des autres. Il est aussi coupable que les autres. Il est plus coupable qu'eux, car il a été le maître de faire justice, et il n'a rien fait. Comprenez-vous cela? Voici un an que le général Billot, que les généraux de Boisdeffre et Gonze savent que Dreyfus est innocent, et ils ont gardé pour eux cette effroyable chose. Et ces gens-là dorment, et ils ont des femmes et des enfants qu'ils aiment. Le colonel Picard avait rempli son devoir d'honnête homme. Il insistait auprès de ses supérieurs, au nom de la justice. Il les suppliait même. Il leur disait combien leurs délais étaient impolitiques, devant le terrible orage qui s'amoncelait, qui devait éclater lorsque la vérité serait connue. Ce fut, plus tard, le langage que M. Scherer-Kestner tint également au général Billot, l'adjurant par patriotisme de prendre en main l'affaire, de ne pas la laisser s'aggraver au point de devenir un désastre public. Non, le crime était commis. L'état-major ne pouvait plus avouer son crime. Et le lieutenant-colonel Picard fut envoyé en mission. On l'éloigna de plus en plus loin, jusqu'en Tunisie, où l'on voulut même un jour honorer sa bravoure en le chargeant d'une mission qui l'aurait fait sûrement massacrer dans les parages où le marquis de Morès a trouvé la mort. Il n'était pas en disgrâce. Le général Gonse entretenait avec lui une correspondance amicale. Seulement, il est des secrets qu'il ne fait pas bon d'avoir surpris. À Paris, la vérité marchait, irrésistible, et l'on sait de quelle façon l'orage attendu éclata. M. Mathieu Dreyfus dénonça le commandant Esterhazy comme le véritable auteur du bordereau, au moment où M. Scherer-Kestner allait déposer, entre les mains du garde des Sceaux, une demande en révision du procès. Et c'est ici que le commandant Esterhazy paraît. Des témoignages le montrent d'abord affolé, prêt au suicide ou à la fuite. Puis, tout d'un coup, il paye d'audace. Il étonne Paris par la violence de son attitude. C'est que du secours lui était venu. Il avait reçu une lettre anonyme l'avertissant des menées de ses ennemis. Une dame mystérieuse s'était même dérangée de nuit pour lui remettre une pièce volée à l'état-major qui devait le sauver. Et je ne puis m'empêcher de retrouver là le lieutenant-colonel du paty de Clam, en reconnaissant les expédients de son imagination fertile. Son œuvre, la culpabilité de Dreyfus, était en péril. Et il a voulu sûrement défendre son œuvre. La révision du procès? Mais c'était l'écroulement du roman feuilleton si extravagant, si tragique, dont le dénouement abominable a lieu à l'île du diable. C'est ce qu'il ne pouvait permettre. Dès lors, le duel va avoir lieu entre le lieutenant-colonel Picard et le lieutenant-colonel du paty de Clam. L'un, le visage découvert, l'autre masqué. On les retrouvera prochainement tous deux devant la justice civile. Au fond, c'est toujours l'état-major qui se défend, qui ne veut pas avouer son crime, dont l'abomination grandit d'heure en heure. On s'est demandé avec stupeur quels étaient les protecteurs du commandant Esterhazy. C'est d'abord, dans l'ombre, le lieutenant-colonel du paty de Clam qui a tout machiné, qui a tout conduit. Sa main se trahit aux moyens saugrenus. Puis c'est le général de Boisdeffre, c'est le général Gonze, c'est le général Billot lui-même qui sont bien obligés de faire acquitter le commandant, puisqu'ils ne peuvent laisser reconnaître l'innocence de Dreyfus sans que les bureaux de la guerre croulent sous le mépris public. Et le beau résultat de cette situation prodigieuse, c'est que l'honnête homme là-dedans, le lieutenant-colonel Picard, qui seul a fait son devoir, va être la victime, celui qu'on bafouera et qu'on punira. Ô justice, quelle affreuse désespérance serre le cœur! On va jusqu'à dire que c'est lui le faussaire, qu'il a fabriqué la carte télégramme pour perdre Esterhazy. Mais grand Dieu, pourquoi? Dans quel but? Donnez un motif. Est-ce que celui-là aussi est payé par les Juifs? Le joli de l'histoire est qu'il était justement antisémite. Oui, nous assistons à ce spectacle infâme, des hommes perdus de dettes et de crimes, dont on proclame l'innocence, tandis qu'on frappe l'honneur même, un homme à la vie sans tache. Quand une société en est là, elle tombe en décomposition. Voilà donc, monsieur le Président, l'affaire Esterhazy, un coupable qu'il s'agissait d'innocenter. Depuis bientôt 2 mois, nous pouvons suivre heure par heure la belle besogne. J'abrège, car ce n'est ici en gros que le résumé de l'histoire dont les brûlantes pages seront un jour écrites tout au long. Et nous avons donc vu le général de Payeux, puis le commandant Ravary, conduire une enquête scélérate d'où les coquins sortent transfigurés et les honnêtes gens salis. Puis on a convoqué le conseil de guerre. Comment a-t-on pu espérer qu'un conseil de guerre déferait ce qu'un conseil de guerre avait fait? Je ne parle même pas du choix toujours possible des juges. L'idée supérieure de discipline qui est dans le sang de ces soldats ne suffit-elle pas à affirmer leur pouvoir même d'équité? Qui dit discipline dit obéissance. Lorsque le ministère de la guerre, le grand chef, a établi publiquement, aux acclamations de la représentation nationale, l'autorité absolue de la chose jugée, vous voulez qu'un conseil de guerre lui donne un formel démenti? Hiérarchiquement, cela est impossible. Le général Billot a suggestionné les juges par sa déclaration et ils ont jugé comme ils doivent aller au feu, sans raisonner. L'opinion préconçue qu'ils ont apportée sur leur siège est évidemment celle-ci. Dreyfus a été condamné pour crime de trahison par un conseil de guerre. Il est donc coupable. Et nous, conseil de guerre, nous ne pouvons le déclarer innocent. Or, nous savons que reconnaître la culpabilité d'Esterhazy, ce serait proclamer l'innocence de Dreyfus. Rien ne pouvait les faire sortir de là. Ils ont rendu une sentence inique qui à jamais pèsera sur nos conseils de guerre, qui entachera désormais de suspicion tous leurs arrêts. Le premier conseil de guerre a pu être inintelligent. Le second est forcément criminel. Son excuse, je le répète, est que le chef suprême avait parlé, déclarant la chose jugée inattaquable, sainte et supérieure aux hommes, de sorte que des inférieurs ne pouvaient dire le contraire. On nous parle de l'honneur de l'armée. On veut que nous l'aimions, que nous la respections. Ah, certes, oui, l'armée qui se lèverait à la première menace, qui défendrait la terre française. Elle est tout le peuple, et nous n'avons pour elle que tendresse et respect. Mais il ne s'agit pas d'elle, dont nous voulons justement la dignité dans notre besoin de justice. Il s'agit du sabre, le maître qu'on nous donnera demain peut-être. Et baiser dévotement la poignée du sabre, le dieu, non. Je l'ai démontré d'autre part. L'affaire Dreyfus était l'affaire des bureaux de la guerre. Un officier de l'état-major, dénoncé par ses camarades de l'état-major, condamné sous la pression des chefs de l'état-major. Encore une fois, il ne peut revenir innocent sans que tout l'état-major soit coupable. Aussi les bureaux, par tous les moyens imaginables, par des campagnes de presse, par des communications, par des influences, n'ont-ils couvert Esterhazy que pour perdre une seconde fois Dreyfus. Ah, quel coup de balai le gouvernement républicain devrait donner dans cette jésuitière, ainsi que les appelle le général Billot lui-même. Où est-il le ministère vraiment fort et d'un patriotisme sage qui osera tout y refondre et tout y renouveler? Que de gens je connais qui, devant une guerre possible, tremblent d'angoisse en sachant dans quelles mains est la défense nationale. Et quel nid de basses intrigues, de commérages et de dilapidations est devenu cet asile sacré où se décide le sort de la patrie? On s'épouvante devant le jour terrible que vient d'y jeter l'affaire Dreyfus, ce sacrifice humain d'un malheureux, d'un sale juif. Ah, tout ce qui s'est agité là de démence et de sottise, des imaginations folles, des pratiques de basse police, des mœurs d'inquisition et de tyrannie, le bon plaisir de quelques galonnés mettant leurs bottes sur la nation, lui rentrant dans la gorge son cri de vérité et de justice, sous le prétexte menteur et sacrilège de la raison d'État. Et c'est un crime encore que de s'être appuyé sur la presse immonde, que de s'être laissé défendre par toute la fripouille de Paris, de sorte que voilà la fripouille qui triomphe insolemment dans la défaite du droit et de la simple probité. C'est un crime d'avoir accusé de troubler la France ceux qui la veulent généreuse, à la tête des nations libres et justes, lorsqu'on ourdit soi-même l'impudent complot d'imposer l'erreur devant le monde entier. C'est un crime d'égarer l'opinion, d'utiliser pour une besogne de mort cette opinion qu'on a perverti jusqu'à la faire délirer. C'est un crime d'empoisonner les petits et les humbles, d'exaspérer les passions de réaction et d'intolérance en s'abritant derrière l'odieux antisémitisme dont la grande France libérale des droits de l'homme mourra si elle n'en est pas guérie. C'est un crime que d'exploiter le patriotisme pour des œuvres de haine, et c'est un crime enfin que de faire du sabre le dieu moderne lorsque toute la science humaine est au travail pour l'œuvre prochaine de vérité et de justice. Cette vérité, cette justice que nous avons si passionnellement voulu, quelle détresse à les voir ainsi souffletées, plus méconnues et plus obscurcies. Je me doute de l'écroulement qui doit avoir lieu dans l'âme de M. Scherer-Kessner. et je crois bien qu'il finira par éprouver un remords, celui de n'avoir pas agi révolutionnairement, le jour de l'interpellation au Sénat, en lâchant tout le paquet, pour tout jeter à bas. Il a été le grand honnête homme, l'homme de sa vie loyale. Il a cru que la vérité se suffisait à elle-même, surtout lorsqu'elle lui apparaissait éclatante comme le plein jour. À quoi bon tout bouleverser, puisque bientôt le soleil allait luire? Et c'est de cette sérénité confiante dont il est si cruellement puni. De même pour le lieutenant-colonel Picard, qui par un sentiment de haute dignité n'a pas voulu publier les lettres du général Gonse. Ses scrupules l'honorent d'autant plus que, pendant qu'il restait respectueux de la discipline, ses supérieurs le faisaient couvrir de boue, instruisaient eux-mêmes son procès, de la façon la plus inattendue et la plus outrageante. Il y a deux victimes, deux braves gens, deux cœurs simples, qui ont laissé faire Dieu, tandis que le diable agissait. Et l'on a même vu, pour le lieutenant-colonel Picard, cette chose ignoble. Un tribunal français, après avoir laissé le rapporteur charger publiquement un témoin, l'accuser de toutes les fautes, a fait le huis clos lorsque ce témoin a été introduit pour s'expliquer et se défendre. Je dis que cela est un crime de plus, et que ce crime soulèvera la conscience universelle. Décidément, les tribunaux militaires se font une singulière idée de la justice. Telle est donc la simple vérité, monsieur le président, et elle est effroyable. Elle restera pour votre présidence une souillure. Je me doute bien que vous n'avez aucun pouvoir en cette affaire, que vous êtes le prisonnier de la Constitution et de votre entourage. Vous n'en avez pas moins un devoir d'homme, auquel vous songerez, et que vous remplirez. Ce n'est pas d'ailleurs que je désespère le moins du monde du triomphe. Je le repère avec une certitude plus véhémente. La vérité est en marche, et rien ne l'arrêtera. C'est aujourd'hui seulement que l'affaire commence, puisque aujourd'hui seulement les positions sont nettes. D'une part, les coupables qui ne veulent pas que la lumière se fasse, de l'autre, les justiciers qui donneront leur vie pour qu'elle soit faite. Quand on enferme la vérité sous terre, elle s'y amasse, elle y prend une force telle d'explosion que le jour où elle éclate, elle fait tout sauter avec elle. On verra bien si l'on ne vient pas de préparer pour plus tard le plus retentissant des désastres. Mais cette lettre est longue, monsieur le président, et il est temps de conclure. J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son œuvre néfaste, depuis 3 ans, par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s'être rendu coupable de ce crime de lèse-humanité et de lèse-justice, dans un but politique et pour sauver l'état-major compromis. J'accuse le général de Boisdeffre et le général Gonse de s'être rendus complices du même crime, l'un sans doute par passion cléricale, l'autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des bureaux de la guerre l'arche sainte, inattaquable. J'accuse le général de Payeux et le commandant Ravary d'avoir fait une enquête scélérate, j'entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité, dont nous avons, dans le rapport du second, un impérissable monument de naïve audace. J'accuse les 3 experts en écriture, les sieurs Bellhomme, Varinard et Couard, d'avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu'un examen médical ne les déclare atteints d'une maladie de la vue et du jugement. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse, particulièrement dans l'Éclair et dans l'Écho de Paris, une campagne abominable pour égarer l'opinion et couvrir leurs fautes. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète, et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité, par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit les délits de diffamation, et c'est volontairement que je m'expose. Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n'ai contre eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale, et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de mon profond respect. Émile Zola. Fin de J'accuse, paru dans l'Aurore le 13 janvier 1898. La princesse de Montpensier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La princesse de Montpensier, de Madame de Lafayette. Pendant que la guerre civile déchirait la France sous le règne de Charles IX, l'amour ne laissait pas de trouver sa place parmi tant de désordres et d'en causer beaucoup dans son empire. La fille unique du marquis de Mézières, héritière très considérable, et par ses grands biens et par l'illustre maison d'Anjou, dont elle était descendue, était promise au duc du Maine, cadet du duc de Guise, que l'on a depuis appelé le Balafré. L'extrême jeunesse de cette grande héritière retardait son mariage, et cependant, le duc de Guise, qui la voyait souvent, et qui voyait en elle les commencements d'une grande beauté, en devint amoureux et en fut aimé. Ils cachèrent leur amour avec beaucoup de soin. Le duc de Guise, qui n'avait pas encore autant d'ambition qu'il n'en a eu depuis, souhaitait ardemment de l'épouser, mais la crainte du cardinal de Lorraine, qui lui tenait lieu de père, l'empêchait de se déclarer. Les choses étaient en cet état lorsque la maison de Bourbon, qui ne pouvait voir qu'avec envie l'élévation de celle de Guise, s'apercevant de l'avantage qu'elle recevrait de ce mariage, se résolut de le lui ôter et d'en profiter elle-même en faisant épouser cette héritière au jeune prince de Montpensier. On travailla à l'exécution de ce dessein avec tant de succès que les parents de Mademoiselle de Mézières, contre les promesses qu'ils avaient faites au cardinal de Lorraine, se résolurent de la donner en mariage à ce jeune prince. Toute la maison de Guise fut extrêmement surprise de ce procédé, mais le duc en fut accablé de douleur, et l'intérêt de son amour lui fit recevoir ce manquement de parole comme un affront insupportable. Son ressentiment éclata bientôt malgré les réprimandes du cardinal de Lorraine et du duc d'Aumale, ses oncles, qui ne voulaient pas s'opiniâtrer à une chose qu'ils voyaient ne pouvoir empêcher. Il s'emporta avec tant de violence, en présence même du jeune prince de Montpensier, qu'il en acquit entre eux une haine qui ne finit qu'avec leur vie. Mademoiselle de Mézières, tourmentée par ses parents d'épouser ce prince, voyant d'ailleurs qu'elle ne pouvait épouser le duc de Guise et connaissant par sa vertu qu'il était dangereux d'avoir pour beau-frère un homme qu'elle eût souhaité pour mari, se résolut enfin de suivre le sentiment de ses proches et conjura monsieur de Guise de ne plus apporter d'obstacle à son mariage. Elle épousa donc le prince de Montpensier qui, peu de temps après, l'emmena à Champigny, séjour ordinaire des princes de sa maison, pour l'ôter de Paris, où apparemment tout l'effort de la guerre allait tomber. Cette grande ville était menacée d'un siège par l'armée des Huguenots dont le prince de Condé était le chef et qui venait de déclarer la guerre au roi pour la seconde fois. Le prince de Montpensier, dans sa plus tendre jeunesse, avait fait une amitié très particulière avec le comte de Chabannes, qui était un homme d'un âge beaucoup plus avancé que lui et d'un mérite extraordinaire. Ce comte avait été si sensible à l'estime et à la confiance de ce jeune prince que contre les engagements qu'il avait avec le prince de Condé, qui lui faisait espérer des emplois considérables dans le parti des Huguenots, il se déclara pour les catholiques, ne pouvant se résoudre à être opposé en quelque chose à un homme qui lui était si cher. Ce changement de parti n'ayant point d'autre fondement, l'on douta qu'il fût véritable, et la reine-mère, Catherine de Médicis, en eut de si grands soupçons que la guerre étant déclarée par les Huguenots, elle eut dessein de le faire arrêter. Mais le prince de Montpensier l'en empêcha et emmena Chabannes à Champigny en s'y en allant avec sa femme. Le comte, ayant l'esprit fort doux et fort agréable, gagna bientôt l'estime de la princesse de Montpensier et en peu de temps, elle n'eut pas moins de confiance et d'amitié pour lui qu'en avait le prince, son mari. Chabannes, de son côté, regardait avec admiration tant de beauté, d'esprit et de vertu qui paraissaient en cette jeune princesse. Et se servant de l'amitié qu'elle lui témoignait pour lui inspirer des sentiments d'une vertu extraordinaire et digne de la grandeur de sa naissance, il la rendit en peu de temps une des personnes du monde les plus achevées. Le prince étant revenu à la cour où la continuation de la guerre l'appelait, le comte demeura seul avec la princesse et continua d'avoir pour elle un respect et une amitié proportionnés à sa qualité et à son mérite. La confiance s'augmenta de part et d'autre et à tel point du côté de la princesse de Montpensier qu'elle lui apprit l'inclination qu'elle avait eue pour M. de Guise. Mais elle lui apprit aussi en même temps qu'elle était presque éteinte et qu'il ne lui en restait que ce qui était nécessaire pour défendre l'entrée de son cœur à une autre inclination, et que la vertu se joignant à ce reste d'impression, elle n'était capable que d'avoir du mépris pour ceux qui oseraient avoir de l'amour pour elle. Le comte, qui connaissait la sincérité de cette belle princesse et qui lui voyait d'ailleurs des dispositions si opposées à la faiblesse de la galanterie, ne douta point de la vérité de ses paroles, et néanmoins, il ne put se défendre de tant de charmes qu'il voyait tous les jours de si près. Il devint passionnément amoureux de cette princesse, et quelque honte qu'il trouva à se laisser surmonter, il fallut céder et l'aimer de la plus violente et de la plus sincère passion qui fût jamais. S'il ne fut pas maître de son cœur, il le fut de ses actions. Le changement de son âme n'en apporta point dans sa conduite, et personne ne soupçonna son amour. Il prit un soin exact pendant une année entière de le cacher à la princesse, et il crut qu'il aurait toujours le même désir de le lui cacher. L'amour fit en lui ce qu'il fait en tous les autres, il lui donna l'envie de parler, et après tous les combats qui ont accoutumé de se faire en pareilles occasions, il osa lui dire qu'il l'aimait, s'étant bien préparé à essuyer les orages dont la fierté de cette princesse le menaçait. Mais il trouva en elle une tranquillité et une froideur pire mille fois que toutes les rigueurs à quoi il s'était attendu. Elle ne prit pas la peine de se mettre en colère contre lui. Elle lui représenta en peu de mots la différence de leur qualité et de leur âge, la connaissance particulière qu'il avait de sa vertu et de l'inclination qu'elle avait eue pour le duc de Guise, et surtout ce qu'il devait à l'amitié et à la confiance du prince son mari. Le comte pensa mourir à ses pieds de honte et de douleur. Elle tâcha de le consoler en l'assurant qu'elle ne se souviendrait jamais de ce qu'il venait de lui dire, qu'elle ne se persuaderait jamais une chose qui lui était si désavantageuse, et qu'elle ne le regarderait jamais que comme son meilleur ami. Ces assurances consolèrent le comte comme on se le peut imaginer. Il sentit le mépris des paroles de la princesse dans toute leur étendue, et le lendemain, la revoyant avec un visage aussi ouvert que de coutume, son affliction en redoubla de la moitié. Le procédé de la princesse ne la diminua pas. Elle vécut avec lui avec la même bonté qu'elle avait accoutumée. Elle lui reparla, quand l'occasion en fit naître le discours, de l'inclination qu'elle avait eue pour le duc de Guise, et la renommée commençant alors à publier les grandes qualités qui paraissaient en ce prince, elle lui avoua qu'elle en sentait de la joie et qu'elle était bien aise de voir qu'il méritait les sentiments qu'elle avait eus pour lui. Toutes ces marques de confiance qui avaient été si chères au comte lui devinrent insupportables. Il n'osait pourtant le témoigner à la princesse, quoiqu'il osât bien la faire souvenir quelquefois de ce qu'il avait eu la hardiesse de lui dire. Après 2 années d'absence, la paix étant faite, le prince de Montpensier revint trouver la princesse, sa femme, tout couvert de la gloire qu'il avait acquise au siège de Paris et à la bataille de Saint-Denis. Il fut surpris de voir la beauté de cette princesse dans une si grande perfection, et par le sentiment d'une jalousie qui lui était naturelle, il en eut quelque chagrin, prévoyant bien qu'il ne serait pas seul à la trouver belle. Il eut beaucoup de joie de revoir le comte de Chabannes, pour qui son amitié n'était point diminuée. Il lui demanda confidemment des nouvelles de l'esprit et de l'humeur de sa femme, qui lui était quasi une personne inconnue, par le peu de temps qu'il avait demeuré avec elle. Le comte, avec une sincérité aussi exacte que s'il n'eût point été amoureux, dit au prince tout ce qu'il connaissait en cette princesse capable de la lui faire aimer. Et il avertit aussi Madame de Montpensier de toutes les choses qu'elle devait faire pour achever de gagner le cœur et l'estime de son mari. Enfin, la passion du comte le portait si naturellement à ne songer qu'à ce qui pouvait augmenter le bonheur et la gloire de cette princesse, qu'il oubliait sans peine l'intérêt qu'ont les amants à empêcher que les personnes qu'ils aiment ne soient dans une parfaite intelligence avec leur mari. La paix ne fit que paraître. La guerre recommença aussitôt par le dessein qu'eut le roi de faire arrêter à Noyers le prince de Condé et l'amiral de Châtillon. Et ce dessein ayant été découvert, l'on commença de nouveau les préparatifs de la guerre, et le prince de Montpensier fut contraint de quitter sa femme, pour se rendre où son devoir l'appelait. Chabannes le suivit à la cour, s'étant entièrement justifié auprès de la reine. Ce ne fut pas sans une douleur extrême qu'il quitta la princesse, qui, de son côté, demeura fort triste des périls où la guerre allait exposer son mari. Les chefs des Huguenots s'étaient retirés à La Rochelle. Le Poitou et la Saintonge étant dans leur partie, la guerre s'y alluma fortement, et le roi y rassembla toutes ses troupes. Le duc d'Anjou, son frère, qui fut depuis Henri III, y acquit beaucoup de gloire par plusieurs belles actions et, entre autres, par la bataille de Jarnac, où le prince de Condé fut tué. Ce fut dans cette guerre que le duc de Guise commença à avoir des emplois considérables et à faire connaître qu'il passait de beaucoup les grandes espérances qu'on avait conçues de lui. Le prince de Montpensier, qui le haïssait, et comme son ennemi particulier et comme celui de sa maison, ne voyait qu'avec peine la gloire de ce duc, aussi bien que l'amitié que lui témoignait le duc d'Anjou. Après que les deux armées se furent fatiguées par beaucoup de petits combats, d'un commun consentement, on licencia les troupes pour quelque temps. Le duc d'Anjou demeura à Loches pour pour donner ordre à toutes les places qui eussent pu être attaquées. Le duc de Guise y demeura avec lui, et le prince de Montpensier, accompagné du comte de Chabannes, s'en retourna à Champigny, qui n'était pas fort éloigné de là. Le duc d'Anjou allait souvent visiter les places qu'il faisait fortifier. Un jour qu'il revenait à Loches par un chemin peu connu de ceux de sa suite, le duc de Guise, qui se vantait de le savoir, se mit à la tête de la troupe pour servir de guide. Mais après avoir marché quelque temps, il s'égara et se trouva sur le bord d'une petite rivière qu'il ne reconnut pas lui-même. Le duc d'Anjou lui fit la guerre de les avoir si mal conduits, et étant arrêtés en ce lieu, aussi disposés à la joie qu'ont accoutumé de l'être de jeunes princes, ils aperçurent un petit bateau qui était arrêté au milieu de la rivière, et comme elle n'était pas large, ils distinguèrent aisément dans ce bateau trois ou quatre femmes, et une, entre autres, qui leur sembla fort belle, qui était habillée magnifiquement, et qui regardait avec attention deux hommes qui pêchaient auprès d'elle. Cette aventure donna une nouvelle joie à ces jeunes princes et à tous ceux de leur suite. Elle leur parut une chose de roman. Les uns disaient au duc de Guise qu'il les avait égarés exprès pour leur faire voir cette belle personne, les autres qu'il fallait qu'après ce qu'avait fait le hasard, il en devint amoureux, et le duc d'Anjou soutenait que c'était lui qui devait être son amant. Enfin, voulant pousser l'aventure à bout, ils firent avancer dans la rivière de leurs gens à cheval, le plus avant qu'il se put, pour crier à cette dame que c'était monsieur d'Anjou qui eût bien voulu passer de l'autre côté de l'eau et qui priait qu'on le vînt prendre. Cette dame, qui était la princesse de Montpensier, entendant dire que le duc d'Anjou était là, et ne doutant point à la quantité des gens qu'elle voyait au bord de l'eau que ce ne fût lui, fit avancer son bateau pour aller du côté où il était. Sa bonne mine le lui fit bientôt distinguer des autres. Mais elle distingua encore plus tôt le duc de Guise. Sa vue lui apporta un trouble qui la fit un peu rougir, et qui la fit paraître aux yeux de ses princes dans une beauté qu'ils crurent surnaturelle. Le duc de Guise la reconnut d'abord, malgré le changement avantageux qui s'était fait en elle depuis les trois années qu'il ne l'avait vue. Il dit au duc d'Anjou qui elle était, qui fut honteux d'abord de la liberté qu'il avait prise. Mais voyant Madame de Montpensier si belle, et cette aventure lui plaisant si fort, il se résolut de l'achever. Et après mille excuses et mille compliments, il inventa une affaire considérable qu'il disait avoir au-delà de la rivière et accepta l'offre qu'elle lui fit de le passer dans son bateau. Il y entra seul avec le duc de Guise, donnant ordre à tous ceux qui les suivaient d'aller passer la rivière à un autre endroit et de les venir joindre à Champigny, que Madame de Montpensier leur dit, qui n'était qu'à deux lieues de là. Sitôt qu'ils furent dans le bateau, le duc d'Anjou lui demanda à quoi il devait une si agréable rencontre et ce qu'elle faisait au milieu de la rivière. Elle lui répondit qu'étant partie de Champigny avec le prince son mari, dans le dessein de le suivre à la chasse, s'étant trouvée trop lasse, elle était venue sur le bord de la rivière où la curiosité de voir prendre un saumon qui avait donné dans un filet l'avait fait entrer dans ce bateau. Monsieur de Guise ne se mêlait point dans la conversation, mais sentant réveiller vivement dans son cœur tout ce que cette princesse y avait autrefois fait naître, il pensait en lui-même qu'il sortirait difficilement de cette aventure sans rentrer dans ses liens. Ils arrivèrent bientôt au bord, où ils trouvèrent les chevaux et les écuyers de Madame de Montpensier qui l'attendaient. Le duc d'Anjou et le duc de Guise lui aidèrent à monter à cheval, où elle se tenait avec une grâce admirable. Pendant tout le chemin, elle les entretint agréablement de diverses choses. Ils ne furent pas moins surpris des charmes de son esprit qu'ils l'avaient été de sa beauté, et ils ne purent s'empêcher de lui faire connaître qu'ils en étaient extraordinairement surpris. Elle répondit à leur louange avec toute la modestie imaginable, mais un peu plus froidement à celle du duc de Guise, voulant garder une fierté qui l'empêcha de fonder aucune espérance sur l'inclination qu'elle avait eue pour lui. En arrivant dans la première cour de Champigny, ils trouvèrent le prince de Montpensier qui ne faisait que de revenir de la chasse. Son étonnement fut grand de voir marcher deux hommes à côté de sa femme, mais il fut extrême qu'en s'approchant de plus près, il reconnut que c'était le duc d'Anjou et le duc de Guise. La haine qu'il avait pour le dernier, se joignant à sa jalousie naturelle, lui fit trouver quelque chose de si désagréable à voir ses princes avec sa femme, sans savoir comment ils s'y étaient trouvés, ni ce qu'ils venaient faire en sa maison, qu'il ne put cacher le chagrin qu'il en avait. Il en rejeta adroitement la cause sur la crainte de ne pouvoir recevoir un si grand prince selon sa qualité et comme il l'eût bien souhaité. Le comte de Chabannes avait encore plus de chagrin de voir M. de Guise auprès de Madame de Montpensier que M. de Montpensier n'en avait lui-même. Ce que le hasard avait fait pour rassembler ces deux personnes lui semblait de si mauvais augure qu'il pronostiquait aisément que ce commencement de roman ne serait pas sans suite. Madame de Montpensier fit le soir les honneurs de chez elle avec le même agrément qu'elle faisait toute chose. Enfin, elle ne plut que trop à ses hôtes. Le duc d'Anjou, qui était fort galant et fort bien fait, ne put voir une fortune si digne de lui sans la souhaiter ardemment. Il fut touché du même mal que M. de Guise, et feignant toujours des affaires extraordinaires, il demeura 2 jours à Champigny, sans être obligé d'y demeurer que par les charmes de Madame de Montpensier, le prince son mari, ne faisant point de violence pour l'y retenir. Le duc de Guise ne partit pas sans faire entendre à Madame de Montpensier qu'il était pour elle ce qu'il avait été autrefois. Et comme sa passion n'avait été sue de personne, il lui dit plusieurs fois devant tout le monde, sans être entendu que d'elle, que son cœur n'était point changé. Et lui et le duc d'Anjou partirent de Champigny avec beaucoup de regrets. Ils marchèrent longtemps tous deux dans un profond silence. Mais enfin le duc d'Anjou, s'imaginant tout d'un coup que ce qui faisait sa rêverie pouvait bien causer celle du duc de Guise, lui demanda brusquement s'il pensait aux beautés de la princesse de Montpensier. Cette demande si brusque, jointe à ce qu'avait déjà remarqué le duc de Guise des sentiments du duc d'Anjou, lui fit voir qu'il serait infailliblement son rival, et qu'il lui était très important de ne pas découvrir son amour à ce prince. Pour lui en ôter tout soupçon, il lui répondit en riant qu'il paraissait lui-même si occupé de la rêverie dont il l'accusait, qu'il n'avait pas jugé à propos de l'interrompre, que les beautés de la princesse de Montpensier n'étaient pas nouvelles pour lui, qu'il s'était accoutumé à en supporter l'éclat du temps qu'elle était destinée à être sa belle-sœur, mais qu'il voyait bien que tout le monde n'en était pas si peu ébloui. Le duc d'Anjou lui avoua qu'il n'avait encore rien vu qui lui parût comparable à cette jeune princesse, et qu'il sentait bien que sa vue lui pourrait être dangereuse s'il y était souvent exposé. Il voulut faire convenir le duc de Guise qu'il sentait la même chose, mais ce duc, qui commençait à se faire une affaire sérieuse de son amour, n'en voulut rien avouer. Ces princes s'en retournèrent à Loches, faisant souvent leur agréable conversation de l'aventure qui leur avait découvert la princesse de Montpensier. Ce ne fut pas un sujet de si grand divertissement dans Champigny. Le prince de Montpensier était mal content de tout ce qui était arrivé, sans qu'il en pût dire le sujet. Il trouvait mauvais que sa femme se fût trouvée dans ce bateau. Il lui semblait qu'elle avait reçu trop agréablement ses princes, et ce qui lui déplaisait le plus était d'avoir remarqué que le duc de Guise l'avait regardé attentivement. Il en conçut dès ce moment une jalousie furieuse qui le fit ressouvenir de l'emportement qu'il avait témoigné lors de son mariage, et il eut quelque pensée que, dès ce temps-là même, il en était amoureux. Le chagrin que tous ses soupçons lui causèrent donna de mauvaises heures à la princesse de Montpensier. Le comte de Chabannes, selon sa coutume, prit soin d'empêcher qu'il ne se brouillasse tout à fait, afin de persuader par là à la princesse combien la passion qu'il avait pour elle était sincère et désintéressée. Il ne put s'empêcher de lui demander quel effet avait produit en elle la vue du duc de Guise. Elle lui apprit qu'elle en avait été troublée par la honte du souvenir de l'inclination qu'elle lui avait autrefois témoignée, qu'elle l'avait trouvé beaucoup mieux fait qu'il n'était en ce temps-là, et que même il lui avait paru qu'il voulait lui persuader qu'il l'aimait encore. Mais elle l'assura en même temps que rien ne pouvait ébranler la résolution qu'elle avait prise de ne s'engager jamais. Le comte de Chabannes eut bien de la joie d'apprendre cette résolution, mais rien ne le pouvait rassurer sur le duc de Guise. Il témoigna à la princesse qu'il appréhendait extrêmement que les premières impressions ne revinssent bientôt, et il lui fit comprendre la mortelle douleur qu'il aurait, pour leur intérêt commun, s'il la voyait un jour changer de sentiment. La princesse de Montpensier, continuant toujours son procédé avec lui, ne répondait presque pas à ce qu'il lui disait de sa passion, et ne considérait toujours en lui que la qualité du meilleur ami du monde, sans lui vouloir faire l'honneur de prendre garde à celle d'amant. Les armées étant remises sur pied, tous les princes y retournèrent, et le prince de Montpensier trouva bon que sa femme s'en vint à Paris, pour n'être plus si proche des lieux où se faisait la guerre. Les Huguenots assiégèrent la ville de Poitiers, le duc de Guise s'y jeta pour la défendre, et il y fit des actions qui suffiraient seules pour rendre glorieuse une autre vie que la sienne. Ensuite, la bataille de Moncontour se donna. Le duc d'Anjou, après avoir pris Saint-Jean d'Angély, tomba malade et quitta en même temps l'armée, soit par la violence de son mal, soit par l'envie qu'il avait de revenir goûter le repos et les douceurs de Paris, où la présence de la princesse de Montpensier n'était pas la moindre raison qui l'attira. L'armée demeura sous le commandement du prince de Montpensier, et peu de temps après, la paix étant faite, toute la cour se trouva à Paris. La beauté de la princesse effaça toutes celles qu'on avait admirées jusqu'alors. Elle attira les yeux de tout le monde par les charmes de son esprit et de sa personne. Le duc d'Anjou ne changea pas à Paris les sentiments qu'il avait conçus pour elle à Champigny. Il prit un soin extrême de le lui faire connaître par toutes sortes de soins, prenant garde toutefois à ne lui en pas rendre des témoignages trop éclatants, de peur de donner de la jalousie au prince son mari. Le duc de Guise acheva d'en devenir violemment amoureux, et voulant par plusieurs raisons tenir sa passion cachée, il se résolut de le lui déclarer d'abord, afin de s'épargner tous ces commencements qui font toujours naître le bruit et l'éclat. étant en joue chez la reine, à une heure où il y avait très peu de monde, la reine s'étant retirée pour parler affaires avec le cardinal de Lorraine, la princesse de Montpensier y arriva. Il se résolut de prendre ce moment pour lui parler, et s'approchant d'elle, « Je vais vous surprendre, madame, lui dit-il, et vous déplaire, en vous apprenant que j'ai toujours conservé cette passion qui vous a été connue autrefois, mais qui s'est si fort augmentée en vous revoyant, que ni votre sévérité, ni la haine de monsieur le prince de Montpensier, ni la concurrence du premier prince du royaume, ne sauraient lui ôter un moment de sa violence. Il aurait été plus respectueux de vous la faire connaître par mes actions que par mes paroles, mais, madame, mes actions l'auraient apprise à d'autres aussi bien qu'à vous, et je souhaite que vous sachiez seule que je suis assez hardie pour vous adorer. » La princesse fut d'abord si surprise et si troublée de ce discours qu'elle ne songea pas à l'interrompre. Mais ensuite, étant revenue à elle et commençant à lui répondre, le prince de Montpensier entra. Le trouble et l'agitation étaient peints sur le visage de la princesse. La vue de son mari acheva de l'embarrasser, de sorte qu'elle lui en laissa plus entendre que le duc de Guise ne lui en venait de dire. La reine sortit de son cabinet, et le duc se retira pour guérir la jalousie de ce prince. La princesse de Montpensier trouva, le soir, dans l'esprit de son mari, tout le chagrin imaginable. Il s'emporta contre elle avec des violences épouvantables, et lui défendit de parler jamais au duc de Guise. Elle se retira bien triste dans son appartement, et bien occupée des aventures qui lui étaient arrivées ce jour-là. Le jour suivant, elle revit le duc de Guise chez la reine, mais il ne l'aborda pas et se contenta de sortir un peu après elle pour lui faire voir qu'il n'y avait que faire quand elle n'y était pas. Il ne se passait point de jour qu'elle ne reçût 1000 marques cachées de la passion de ce duc, sans qu'il essayât de lui en parler, que lorsqu'il ne pouvait être vu de personne. Comme elle était bien persuadée de cette passion, elle commença, nonobstant toutes les résolutions qu'elle avait faites à Champigny, à sentir dans le fond de son cœur quelque chose de ce qui y avait été autrefois. Le duc d'Anjou, de son côté, n'oubliait rien pour lui témoigner son amour en tous les lieux où il la pouvait voir, et il la suivait continuellement chez la reine sa mère. La princesse, sa sœur, de qui il était aimé, en était traitée avec une rigueur capable de guérir toute autre passion que la sienne. On découvrit en ce temps-là que cette princesse, qui fut depuis la reine de Navarre, eut quelque attachement pour le duc de Guise. Et ce qui le fit découvrir davantage fut le refroidissement qui parut du duc d'Anjou pour le duc de Guise. La princesse de Montpensier apprit cette nouvelle qui ne lui fut pas indifférente et qui lui fit sentir qu'elle prenait plus d'intérêt au duc de Guise qu'elle ne pensait. Monsieur de Montpensier, son beau-père, épousant alors mademoiselle de Guise, sœur de ce duc, elle était contrainte de le voir souvent dans les lieux où les cérémonies des noces les appelaient l'un et l'autre. La princesse de Montpensier, ne pouvant plus souffrir qu'un homme que toute la France croyait amoureux de madame osât lui dire qu'il l'était d'elle, et se sentant offensée, et quasi affligée de s'être trompée elle-même, un jour que le duc de Guise la rencontra chez sa sœur, un peu éloignée des autres, et qu'il lui voulut parler de sa passion, elle l'interrompit brusquement et lui dit d'un ton qui marquait sa colère. « Je ne comprends pas qu'il faille, sur le fondement d'une faiblesse dont on a été capable à 13 ans, avoir l'audace de faire l'amoureux d'une personne comme moi, et surtout quand on l'est d'une autre, à la vue de toute la cour. » Le duc de Guise, qui avait beaucoup d'esprit et qui était fort amoureux, n'eut besoin de consulter personne pour entendre tout ce que signifiaient les paroles de la princesse. Il lui répondit avec beaucoup de respect. « J'avoue, madame, que j'ai eu tort de ne pas mépriser l'honneur d'être beau-frère de mon roi, plutôt que de vous laisser soupçonner un moment que je pouvais désirer un autre cœur que le vôtre. Mais si vous voulez me faire la grâce de m'écouter, je suis assuré de me justifier auprès de vous. » La princesse de Montpensier ne répondit point. Mais elle ne s'éloigna pas, et le duc de Guise, voyant qu'elle lui donnait l'audience qu'il souhaitait, lui apprit que, sans s'être attiré les bonnes grâces de madame par aucun soin, elle l'en avait honoré, que n'ayant nulle passion pour elle, il avait très mal répondu à l'honneur qu'elle lui faisait, jusqu'à ce qu'elle lui eût donné quelque espérance de l'épouser, qu'à la vérité, la grandeur où ce mariage pouvait l'élever l'avait obligé de lui rendre plus de devoirs, et que c'était ce qui avait donné lieu aux soupçons qu'en avait eu le roi et le duc d'Anjou. Que l'opposition de l'un ni de l'autre ne le dissuadait pas de son dessein, mais que si ce dessein lui déplaisait, il l'abandonnait dès lors même pour n'y penser de sa vie. Le sacrifice que le duc de Guise faisait à la princesse lui fit oublier toute la rigueur et toute la colère avec laquelle elle avait commencé de lui parler. Elle changea de discours et se mit à l'entretenir de la faiblesse qu'avait eue madame de l'aimer la première et de l'avantage considérable qu'il recevrait en épousant. Enfin, sans rien dire d'obligeant au duc de Guise, elle lui fit revoir mille choses agréables qu'il avait trouvées autrefois en mademoiselle de Mézières. Quoiqu'ils ne se fussent point parlé depuis longtemps, ils se trouvèrent accoutumés l'un à l'autre, et leurs cœurs se remirent aisément dans un chemin qui ne leur était pas inconnu. Ils finirent cette agréable conversation qui laissa une sensible joie dans l'esprit du duc de Guise. La princesse n'en eut pas une petite de connaître qu'il l'aimait véritablement. Mais quand elle fut dans son cabinet, quelle réflexion ne fit-elle point sur la honte de s'être laissée fléchir si aisément aux excuses du duc de Guise, sur l'embarras où elle s'allait plonger en s'engageant dans une chose qu'elle avait regardée avec tant d'horreur, et sur les effroyables malheurs où la jalousie de son mari la pouvait jeter. Ses pensées lui firent faire de nouvelles résolutions, mais qui se dissipèrent dès le lendemain par la vue du duc de Guise. Il ne manquait point de lui rendre un compte exact de ce qui se passait entre madame et lui. La nouvelle alliance de leur maison lui donnait occasion de lui parler souvent, mais il n'avait pas peu de peine à la guérir de la jalousie que lui donnait la beauté de madame, contre laquelle il n'y avait point de serment qui la pût rassurer. Cette jalousie servait à la princesse de Montpensier à défendre le reste de son cœur contre les soins du duc de Guise, qui en avait déjà gagné la plus grande partie. Le mariage du roi avec la fille de l'empereur Maximilien remplit la cour de fêtes et de réjouissances. Le roi fit un ballet où dansaient madame et toutes les princesses. La princesse de Montpensier pouvait seule lui disputer le prix de la beauté. Le duc d'Anjou dansait une entrée de maure, et le duc de Guise, avec quatre autres, était de son entrée. Leurs habits étaient tous pareils, comme le sont d'ordinaire les habits de ceux qui dansent une même entrée. La première fois que le ballet se dansa, le duc de Guise, devant que de danser, n'ayant pas encore son masque, dit quelques mots en passant à la princesse de Montpensier. Elle s'aperçut bien que le prince, son mari, y avait pris garde, ce qui la mit en inquiétude. Quelque temps après, voyant le duc d'Anjou avec son masque et son habit de maure, qui venait pour lui parler, troublée de son inquiétude, elle crut que c'était encore le duc de Guise, et s'approchant de lui. « N'ayez des yeux ce soir que pour madame, lui dit-elle. Je n'en serai point jalouse. Je vous l'ordonne. On m'observe. Ne m'approchez plus. » Elle se retira sitôt qu'elle eut achevé ses paroles. Le duc d'Anjou en demeura accablé comme d'un coup de tonnerre. Il vit dans ce moment qu'il avait un rival aimé. Il comprit par le nom de madame que ce rival était le duc de Guise, et il ne put douter que la princesse, sa sœur, ne fût le sacrifice qui avait rendu la princesse de Montpensier favorable aux vœux de son rival. La jalousie, le dépit et la rage, se joignant à la haine qu'il avait déjà pour lui, firent dans son âme tout ce qu'on peut imaginer de plus violent, et il eût donné sur l'heure quelques marques sanglantes de son désespoir si la dissimulation, qui lui était naturelle, ne fût venue à son secours et ne l'eût obligé, par des raisons puissantes en l'état qu'étaient les choses, à ne rien entreprendre contre le duc de Guise. Il ne put toutefois se refuser le plaisir de lui apprendre qu'il savait le secret de son amour, et l'abordant en sortant de la salle où l'on avait dansé, « C'est trop, lui dit-il, d'oser lever les yeux jusqu'à ma sœur et de m'ôter ma maîtresse. La considération du roi m'empêche d'éclater, mais souvenez-vous que la perte de votre vie sera peut-être la moindre chose dont je punirai quelque jour votre témérité. » La fierté du duc de Guise n'était pas accoutumée à de telles menaces, et il ne put néanmoins y répondre parce que le roi, qui sortait dans ce moment, les appela tous les deux. Mais elles gravèrent dans son cœur un désir de vengeance qu'il travaillait toute sa vie à satisfaire. Dès le soir même, le duc d'Anjou lui rendit toutes sortes de mauvais offices auprès du roi. Il lui persuada que jamais madame ne consentirait d'être mariée avec le roi de Navarre, avec qui on proposait de la marier, tant que l'on souffrirait que le duc de Guise l'approchât, et qu'il était honteux de souffrir qu'un de ses sujets, pour satisfaire à sa vanité, apportât de l'obstacle à une chose qui devait donner la paix à la France. Le roi avait déjà assez d'aigreur contre le duc de Guise. Ce discours l'augmenta si fort que, le voyant le lendemain, comme il se présentait pour entrer au bal chez la reine paré d'un nombre infini de pierreries, mais plus paré encore de sa bonne mine, il se mit à l'entrée de la porte et lui demanda brusquement où il allait. Le duc, sans s'étonner, lui dit qu'il venait pour lui rendre ses très humbles services, à quoi le roi répliqua qu'il n'avait pas besoin de ceux qu'il lui rendait et se tourna sans le regarder. Le duc de Guise ne laissa pas d'entrer dans la salle, outré, dans le cœur, et contre le roi et contre le duc d'Anjou. Mais sa douleur augmenta sa fierté naturelle, et par une manière de dépit, il s'approcha beaucoup plus de madame qu'il n'avait accoutumé, joint que ce que lui avait dit le duc d'Anjou de la princesse de Montpensier l'empêchait de jeter les yeux sur elle. Le duc d'Anjou les observait soigneusement l'un et l'autre. Les yeux de cette princesse laissaient voir malgré elle quelque chagrin lorsque le duc de Guise parlait à madame. Le duc d'Anjou, qui avait compris, par ce qu'elle lui avait dit en le prenant pour monsieur de Guise, qu'elle avait de la jalousie, espéra de les brouiller, et, se mettant auprès d'elle, « C'est pour votre intérêt, madame, plutôt que pour le mien, lui dit-il, que je m'en vais vous apprendre que le duc de Guise ne mérite pas que vous l'ayez choisi à mon préjudice. Ne m'interrompez point, je vous prie, pour me dire le contraire d'une vérité que je ne sais que trop. Il vous trompe, madame, et vous sacrifie à ma sœur comme il vous l'a sacrifié. C'est un homme qui n'est capable que d'ambition. Mais puisqu'il a eu le bonheur de vous plaire, c'est assez. Je ne m'opposerai pas à une fortune que je méritais sans doute mieux que lui. Je m'en rendrai indigne si je m'opiniâtrais davantage à la conquête d'un cœur qu'un autre possède. C'est trop de n'avoir pu attirer que votre indifférence. Je ne veux pas y faire succéder la haine en vous importunant plus longtemps de la plus fidèle passion qui fut jamais. » Le duc d'Anjou, qui était effectivement touché d'amour et de douleur, put à peine achever ses paroles, et quoiqu'il eût commencé son discours dans un esprit de dépit et de vengeance, il s'attendrit, en considérant la beauté de la princesse et la perte qu'il faisait, en perdant l'espérance d'en être aimé. De sorte que, sans attendre sa réponse, il sortit du bal, feignant de se trouver mal, et s'en alla chez lui rêver à son malheur. La princesse de Montpensier demeura affligée et troublée, comme on se le peut imaginer. Voir sa réputation et le secret de sa vie entre les mains d'un prince qu'elle avait maltraité, et apprendre par lui, sans pouvoir en douter, qu'elle était trompée par son amant, étaient des choses peu capables de lui laisser la liberté d'esprit que demandait un lieu destiné à la joie. Il fallut pourtant demeurer en ce lieu, et aller souper ensuite chez la duchesse de Montpensier, sa belle-mère, qui l'emmena avec elle. Le duc de Guise, qui mourait d'impatience de lui conter ce qu'avait dit le duc d'Anjou le jour précédent, la suivit chez sa sœur. Mais quel fut son étonnement lorsque, voulant entretenir ces deux belles princesses, il trouva qu'elle ne lui parlait que pour lui faire des reproches épouvantables, et le dépit lui faisait faire ces reproches si confusément qu'il n'y pouvait rien comprendre, sinon qu'elle l'accusait d'infidélité et de trahison. Accablé de désespoir de trouver une si grande augmentation de douleur où il avait espéré de se consoler de tous ses ennuis, et aimant cette princesse avec une passion qui ne pouvait plus le laisser vivre dans l'incertitude d'en être aimé, il se détermina tout d'un coup. « Vous serez satisfaite, madame, lui dit-il. Je m'en vais faire pour vous ce que toute la puissance royale n'aurait pu obtenir de moi. Il m'en coûtera ma fortune, mais c'est peu de choses pour vous satisfaire. » Sans demeurer davantage chez la duchesse, sa sœur, il s'en alla trouver alors même les cardinaux, ses oncles, et sur le prétexte du mauvais traitement qu'il avait reçu du roi, il leur fit voir une si grande nécessité pour sa fortune à faire paraître qu'il n'avait aucune pensée d'épouser madame, qu'il les obligea à conclure son mariage avec la princesse de Porcien, duquel on avait déjà parlé. La nouvelle de ce mariage fut aussitôt sue par tout Paris. Tout le monde fut surpris et la princesse de Montpensier fut touchée de joie et de douleur. Elle fut bien aise de voir par là le pouvoir qu'elle avait sur le duc, et elle fut fâchée en même temps de lui avoir fait abandonner une chose aussi avantageuse que le mariage de madame. Le duc, qui voulait au moins que l'amour le récompensât de ce qu'il perdait du côté de la fortune, pressa la princesse de lui donner une audience particulière pour s'éclaircir des reproches injustes qu'elle lui avait faits. Il obtint qu'elle se trouverait chez la duchesse de Montpensier et sa sœur à une heure que cette duchesse n'y serait pas et qu'il pourrait l'entretenir en particulier. Le duc de Guise eut la joie de se pouvoir jeter à ses pieds, de lui parler en liberté de sa passion et de lui dire ce qu'il avait souffert de ses soupçons. La princesse ne pouvait sauter de l'esprit ce que lui avait dit le duc d'Anjou, quoique le procédé du duc de Guise la dût absolument rassurer. Elle lui apprit le juste sujet qu'elle avait de croire qu'il l'avait trahi, puisque le duc d'Anjou savait ce qu'il ne pouvait avoir appris que de lui. Le duc de Guise ne savait par où se défendre et était aussi embarrassé que la princesse de Montpensier à deviner ce qui avait pu découvrir leur intelligence. Enfin, dans la suite de leur conversation, comme elle lui remontrait qu'il avait eu tort de précipiter son mariage avec la princesse de Porcien et d'abandonner celui de madame qui lui était si avantageux, elle lui dit qu'il pouvait bien juger qu'elle n'en eût eu aucune jalousie, puisque le jour du balai, elle-même l'avait conjuré de n'avoir des yeux que pour madame. Le duc de Guise lui dit qu'elle avait eu l'intention de lui faire ce commandement, mais qu'assurément, elle ne le lui avait pas fait. La princesse lui soutint le contraire. Enfin, à force de disputer et d'approfondir, ils trouvèrent qu'il fallait qu'elle se fût trompée dans la ressemblance des habits et qu'elle-même eût appris au duc d'Anjou ce qu'elle accusait le duc de Guise de lui avoir appris. Le duc de Guise, qui était presque justifié dans son esprit par son mariage, le fut entièrement par cette conversation. Cette belle princesse ne put refuser son cœur à un homme qu'il avait possédé autrefois et qui venait de tout abandonner pour elle. Elle consentit donc à recevoir ses vœux et lui permit de croire qu'elle n'était pas insensible à sa passion. L'arrivée de la duchesse de Montpensier et sa belle-mère finit cette conversation et empêcha le duc de Guise de lui faire voir les transports de sa joie. Quelque temps après, la cour s'en allant à Blois, où la princesse de Montpensier la suivit, le mariage de madame avec le roi de Navarre y fut conclu. Le duc de Guise, ne connaissant plus de grandeur ni de bonne fortune que celle d'être aimé de la princesse, vit avec joie la conclusion de ce mariage, qui l'aurait comblé de douleur dans un autre temps. Il ne pouvait si bien cacher son amour que le prince de Montpensier n'en entrevit quelque chose, lequel, n'étant plus maître de sa jalousie, ordonna à la princesse sa femme de s'en aller à Champigny. Ce commandement lui fut bien rude, il fallut pourtant obéir. Elle trouva moyen de dire adieu en particulier au duc de Guise, mais elle se trouva bien embarrassée à lui donner des moyens sûrs pour lui écrire. Enfin, après avoir bien cherché, elle jeta les yeux sur le comte de Chabannes, qu'elle comptait toujours pour son ami, sans considérer qu'il était son amant. Le duc de Guise, qui savait à quel point ce comte était ami du prince de Montpensier, fut épouvanté qu'elle le choisît pour son confident. Mais elle lui répondit si bien de sa fidélité qu'elle le rassura. Il se sépara d'elle avec toute la douleur que peut causer l'absence d'une personne que l'on aime passionnément. Le comte de Chabannes, qui avait toujours été malade à Paris pendant le séjour de la princesse de Montpensier à Blois, sachant qu'elle s'en allait à Champigny, la fut trouver sur le chemin pour s'en aller avec elle. Elle lui fit 1000 caresses et 1000 amitiés, et lui témoigna une impatience extraordinaire de s'entretenir en particulier, dont il fut d'abord charmé. Mais quels furent son étonnement et sa douleur quand il trouva que cette impatience n'allait qu'à lui conter qu'elle était passionnément aimée du duc de Guise et qu'elle l'aimait de la même sorte. Son étonnement et sa douleur ne lui permirent pas de répondre. La princesse, qui était pleine de sa passion et qui trouvait un soulagement extrême à lui en parler, ne prit pas garde à son silence et se mit à lui conter jusqu'aux plus petites circonstances de son aventure. Elle lui dit comme le duc de Guise et elle étaient convenus de recevoir par son moyen les lettres qu'il devait s'écrire. Ce fut le dernier coup pour le comte de Chabannes, de voir que sa maîtresse voulait qu'il servît son rival et qu'elle lui en faisait la proposition comme d'une chose qui lui devait être agréable. Il était si absolument maître de lui-même qu'il lui cacha tous ses sentiments. Il lui témoigna seulement la surprise où il était de voir en elle un si grand changement. Il espéra d'abord que ce changement, qui lui ôtait toute espérance, lui ôterait aussi toute sa passion. Mais il trouva cette princesse si charmante, sa beauté naturelle étant encore beaucoup augmentée par une certaine grâce que lui avait donnée l'air de la cour, qu'il sentit qu'il l'aimait plus que jamais. Toutes les confidences qu'elle lui faisait sur la tendresse et sur la délicatesse de ses sentiments pour le duc de Guise lui faisaient voir le prix du cœur de cette princesse et lui donnaient un vif désir de le posséder. Comme sa passion était la plus extraordinaire du monde, elle produisit l'effet du monde le plus extraordinaire, car elle le fit résoudre de porter à sa maîtresse les lettres de son rival. L'absence du duc de Guise donnait un chagrin mortel à la princesse de Montpensier, et n'espérant de soulagement que par ses lettres, elle tourmentait incessamment le comte de Chabannes pour savoir s'il n'en recevait point, et se prenait quasi à lui de n'en avoir pas assez tôt. Enfin, il en reçut par un gentilhomme du duc de Guise, et il les lui apporta à l'heure même pour ne lui retarder pas sa joie d'un moment. Celle qu'elle eut de les recevoir fut extrême. Elle ne prit pas le soin de la cacher, et lui fit avaler à longs traits tout le poison imaginable, en lui lisant ses lettres et la réponse tendre et galante qu'elle y faisait. Il porta cette réponse au gentilhomme avec la même fidélité avec laquelle il avait rendu la lettre à la princesse, mais avec plus de douleur. Il se consola pourtant un peu dans la pensée que cette princesse ferait quelques réflexions sur ce qu'il faisait pour elle, et qu'elle lui en témoignerait de la reconnaissance. La trouvant de jour en jour plus rude pour lui, par le chagrin qu'elle avait d'ailleurs, il prit la liberté de la supplier de penser un peu à ce qu'elle lui faisait souffrir. La princesse, qui n'avait dans la tête que le duc de Guise et qui ne trouvait que lui seul digne de l'adorer, trouva si mauvais qu'un autre que lui osa penser à elle, qu'elle maltraita bien plus le comte de Chabannes en cette occasion, qu'elle n'avait fait la première fois qu'il lui avait parlé de son amour. Quoique sa passion, aussi bien que sa patience, fût extrême et à toute épreuve, il quitta la princesse et s'en alla chez un de ses amis, dans le voisinage de Champigny, d'où il lui écrivit avec toute la rage que pouvait lui causer un si étrange procédé, mais néanmoins avec tout le respect qui était dû à sa qualité, et par sa lettre, il lui disait un éternel adieu. La princesse commença à se repentir d'avoir si peu ménagé un homme sur qui elle avait tant de pouvoir. Et ne pouvant se résoudre à le perdre, non seulement à cause de l'amitié qu'elle avait pour lui, mais aussi par l'intérêt de son amour, pour lequel il lui était tout à fait nécessaire, elle lui manda qu'elle voulait absolument lui parler encore une fois, et après cela, qu'elle le laissait libre de faire ce qu'il lui plairait. L'on est bien faible quand on est amoureux. Le contrevint, et en moins d'une heure la beauté de la princesse de Montpensier, son esprit et quelques paroles obligeantes, le rendirent plus soumis qu'il n'avait jamais été, et il lui donna même des lettres du duc de Guise qu'il venait de recevoir. Pendant ce temps, l'envie qu'on eut à la cour d'y faire venir les chefs du parti huguenot pour cet horrible dessein qu'on exécuta le jour de la Saint-Barthélemy, fit que le roi, pour les mieux tromper, éloigna de lui tous les princes de la maison de Bourbon et tous ceux de la maison de Guise. Le prince de Montpensier s'en retourna à Champigny pour achever d'accabler la princesse sa femme par sa présence. Le duc de Guise s'en alla à la campagne chez le cardinal de Lorraine, son oncle. L'amour et l'oisiveté mirent dans son esprit un si violent désir de voir la princesse de Montpensier que, sans considérer ce qu'il hasardait pour elle et pour lui, il feignit un voyage, et laissant tout son train dans une petite ville, il prit avec lui ce seul gentilhomme qui avait déjà fait plusieurs voyages à Champigny, et il s'y en alla en poste. Comme il n'avait point d'autre adresse que celle du comte de Chabannes, il lui fit écrire un billet par ce même gentilhomme, par lequel ce gentilhomme le priait de le venir trouver en un lieu qui lui marquait. Le comte de Chabannes, croyant que c'était seulement pour recevoir des lettres du duc de Guise, l'alla trouver. Mais il fut extrêmement surpris quand il vit le duc de Guise, et il n'en fut pas moins affligé. Ce duc, occupé de son dessein, ne prit non plus garde à l'embarras du comte que la princesse de Montpensier avait fait de son silence lorsqu'elle lui avait conté son amour. Il se mit à lui exagérer sa passion et à lui faire comprendre qu'il mourrait infailliblement s'il ne lui faisait obtenir de la princesse la permission de la voir. Le comte de Chabannes lui répondit froidement qu'il dirait à cette princesse tout ce qu'il souhaitait qu'il lui dît et qu'il viendrait lui en rendre réponse. Il s'en retourna à Champigny, combattu de ses propres sentiments, mais avec une violence qui lui ôtait quelquefois toutes sortes de connaissances. Souvent, il prenait la résolution de renvoyer le duc de Guise sans le dire à la princesse de Montpensier, mais la fidélité exacte qu'il lui avait promise changeait aussitôt sa résolution. Il arriva auprès d'elle sans savoir ce qu'il devait faire, et apprenant que le prince de Montpensier était à la chasse, il alla droit à l'appartement de la princesse, qui, le voyant troublé, fit retirer aussitôt ses femmes pour savoir le sujet de ce trouble. Il lui dit, en se modérant le plus qu'il lui fut possible, que le duc de Guise était à une lieue de Champigny et qu'il souhaitait passionnément de la voir. La princesse fit un grand cri à cette nouvelle, et son embarras ne fut guère moindre que celui du comte. Son amour lui présenta d'abord la joie qu'elle aurait de voir un homme qu'elle aimait si tendrement. Mais quand elle pensa combien cette action était contraire à sa vertu, et qu'elle ne pouvait voir son amant qu'en le faisant entrer la nuit chez elle à l'insu de son mari, elle se trouva dans une extrémité épouvantable. Le comte de Chabannes attendait sa réponse comme une chose qui allait décider de sa vie ou de sa mort. Jugeant de l'incertitude de la princesse par son silence, il prit la parole pour lui représenter tous les périls où elle s'exposerait par cette entrevue. Et voulant lui faire voir qu'il ne lui tenait pas ce discours pour ses intérêts, il lui dit « Si, après tout ce que je viens de vous représenter, madame, votre passion est la plus forte, et que vous désiriez voir le duc de Guise, que ma considération ne vous en empêche point, si celle de votre intérêt ne le fait pas. Je ne veux point priver d'une si grande satisfaction une personne que j'adore, ni être cause qu'elle cherche des personnes moins fidèles que moi pour se la procurer. Oui, madame, si vous le voulez, j'irai quérir le duc de Guise dès ce soir, car il est trop périlleux de le laisser plus longtemps où il est, et je l'amènerai dans votre appartement. » « Mais par où et comment ?» interrompit la princesse. « Ah, madame !» s'écria le comte, « c'en est fait, puisque vous ne délibérez plus que sur les moyens. Il viendra, madame, ce bienheureux amant. Je l'amènerai par le parc. Donnez ordre seulement à celle de vos femmes, à qui vous vous fiez le plus, qu'elle baisse précisément à minuit le petit pont-levis qui donne de votre antichambre dans le parterre, et ne vous inquiétez pas du reste. » En achevant ces paroles, il se leva, et sans attendre d'autre consentement de la princesse de Montpensier, il remonta à cheval et vint trouver le duc de Guise, qui l'attendait avec une impatience extrême. La princesse de Montpensier demeura si troublée qu'elle fut quelque temps sans revenir à elle. Son premier mouvement fut de faire rappeler le comte de Chabannes pour lui défendre d'amener le duc de Guise, mais il n'en eut pas la force. Elle pensa que, sans le rappeler, elle n'avait qu'à ne point faire abaisser le pont. Elle crut qu'elle continuerait dans cette résolution. Quand l'heure de l'assignation approcha, elle ne put résister davantage à l'envie de voir un amant qu'elle croyait si digne d'elle, et il instruisit une de ses femmes de tout ce qu'il fallait faire pour introduire le duc de Guise dans son appartement. Cependant, et ce duc et le comte de Chabanne approchaient de Champigny, mais dans un état bien différent. Le duc abandonnait son âme à la joie et à tout ce que l'espérance inspire de plus agréable. Et le comte s'abandonnait à un désespoir et à une rage qui le poussèrent mille fois à donner de son épée au travers du corps de son rival. Enfin, ils arrivèrent au parc de Champigny, où ils laissèrent leurs chevaux à l'écuyer du duc de Guise, et passant par des brèches qui étaient aux murailles, ils vinrent dans le parterre. Le comte de Chabanne, au milieu de son désespoir, avait toujours quelque espérance que la raison reviendrait à la princesse de Montpensier, et qu'elle prendrait enfin la résolution de ne point voir le duc de Guise. Quand il vit ce petit pont abaissé, ce fut alors qu'il ne put douter du contraire, et ce fut aussi alors qu'il fut tout prêt à se porter aux dernières extrémités. Mais venant à penser que s'il faisait du bruit, il serait ouï apparemment du prince de Montpensier, dont l'appartement donnait sur le même parterre, et que tout ce désordre tomberait ensuite sur la personne qu'il aimait le plus, sa rage se calma à l'heure même, et il acheva de conduire le duc de Guise au pied de sa princesse. Il ne put se résoudre à être témoin de leur conversation, quoique la princesse lui témoignât le souhaiter, et qu'il l'eût bien souhaité lui-même. Il se retira dans un petit passage, qui était du côté de l'appartement du prince de Montpensier, ayant dans l'esprit les plus tristes pensées qui aient jamais occupé l'esprit d'un amant. Cependant, quelque peu de bruit qu'ils eussent fait en passant sur le pont, le prince de Montpensier, qui par malheur était éveillé dans ce moment, l'entendit, et fit lever un de ses valets de chambre pour voir ce que c'était. Le valet de chambre mit la tête à la fenêtre, et au travers de l'obscurité de la nuit, il aperçut que le pont était abaissé. Il en avertit son maître, qui lui commanda en même temps d'aller dans le parc voir ce que ce pouvait être. Un moment après, il se leva lui-même, étant inquiet de ce qu'il lui semblait avoir ouï marcher quelqu'un, et s'en vint droit à l'appartement de la princesse sa femme, qui répondait sur le pont. Dans le moment qu'il approchait de ce petit passage où était le comte de Chabanne, la princesse de Montpensier, qui avait quelque honte de se trouver seule avec le duc de Guise, pria plusieurs fois le comte d'entrer dans sa chambre. Il s'en excusa toujours, et comme elle l'empressait davantage, possédé de rage et de fureur, il lui répondit si haut qu'il fut ouï du prince de Montpensier, mais si confusément que ce prince entendit seulement la voix d'un homme, sans distinguer celle du comte. Une pareille aventure eût donné de l'emportement à un esprit et plus tranquille et moins jaloux. Aussi mit-elle d'abord l'excès de la rage et de la fureur dans celui du prince. Il heurta aussitôt à la porte avec impétuosité, et criant pour se faire ouvrir, il donna la plus cruelle surprise du monde à la princesse, au duc de Guise et au comte de Chabanne. Le dernier, entendant la voix du prince, comprit d'abord qu'il était impossible de l'empêcher de croire qu'il n'y eût quelqu'un dans la chambre de la princesse sa femme, et la grandeur de sa passion lui montrant en ce moment que s'il y trouvait le duc de Guise, madame de Montpensier aurait la douleur de le voir tué à ses yeux, et que la vie même de cette princesse ne serait pas en sûreté, il résolut, par une générosité sans exemple, de s'exposer pour sauver une maîtresse ingrate et un rival aimé. Pendant que le prince de Montpensier donnait mille coups à la porte, il vint au duc de Guise, qui ne savait quelle résolution prendre, et il le mit entre les mains de cette femme de madame de Montpensier, qu'il avait fait entrer par le pont, pour le faire sortir par le même lieu, pendant qu'il s'exposerait à la fureur du prince. À peine le duc était hors de l'antichambre que le prince, ayant enfoncé la porte du passage, entra dans la chambre comme un homme possédé de fureur, et qui cherchait sur qui la faire éclater. Mais quand il ne vit que le comte de Chabanne, et qu'il le vit immobile, appuyé sur la table, avec un visage où la tristesse était peinte, il demeura immobile lui-même. Et la surprise de trouver, et seul, et la nuit, dans la chambre de sa femme, l'homme du monde qu'il aimait le mieux, le mit hors d'état de pouvoir parler. La princesse était à demi évanouie sur les carreaux, et jamais peut-être la fortune n'a mis trois personnes en des états si pitoyables. Enfin, le prince de Montpensier, qui ne croyait pas ce qu'il voyait, et qui voulait démêler ce chaos où il venait de tomber, adressant la parole au comte, d'un ton qui faisait voir qu'il avait encore de l'amitié pour lui, « Que vois-je ? » lui dit-il. « Est-ce une illusion ou une vérité ? Est-il possible qu'un homme que j'ai aimé si chèrement choisisse ma femme entre toutes les autres femmes pour la séduire ? Et vous, madame, dit-il à la princesse, en se tournant de son côté, n'était-ce point assez de m'ôter votre cœur et mon honneur, sans m'ôter le seul homme qui pouvait me consoler de ses malheurs ? Répondez-moi à l'un ou l'autre, leur dit-il, et éclaircissez-moi d'une aventure que je ne puis croire telle qu'elle me paraît. » La princesse n'était pas capable de répondre, et le comte de Chabanne ouvrit plusieurs fois la bouche, sans pouvoir parler. « Je suis criminel à votre égard, lui dit-il enfin, et indigne de l'amitié que vous avez eue pour moi. Mais ce n'est pas de la manière que vous pouvez l'imaginer. Je suis plus malheureux que vous et plus désespéré. Je ne saurais vous en dire davantage. Ma mort vous vengera, et si vous voulez me la donner tout à l'heure, vous me donnerez la seule chose qui peut m'être agréable. » Ces paroles, prononcées avec une douleur mortelle et avec un air qui marquait son innocence, au lieu d'éclaircir le prince de Montpensier, lui persuadaient de plus en plus qu'il y avait quelque mystère dans cette aventure qu'il ne pouvait deviner. Et son désespoir s'augmentant par cette incertitude, « Ôtez-moi la vie vous-même, lui dit-il, ou donnez-moi l'éclaircissement de vos paroles, je n'y comprends rien. Vous devez cet éclaircissement à mon amitié, vous le devez à ma modération, car tout autre que moi aurait déjà vengé sur votre vie un affront si sensible. » « Les apparences sont bien fausses, » interrompit le comte. « Ah, c'est trop, » répliqua le prince. « Il faut que je me venge, et puis je m'éclaircirai à loisir. » En disant ces paroles, il s'approcha du comte de Chavannes avec l'action d'un homme emporté par la rage. La princesse, craignant quelque malheur, ce qui ne pouvait pourtant pas arriver, son mari n'ayant point d'épée, se leva pour se mettre entre les deux. La faiblesse où elle était la fit succomber à cet effort, et comme elle approchait de son mari, elle tomba évanouie à ses pieds. Le prince fut encore plus touché de cet évanouissement qu'il n'avait été de la tranquillité où il avait trouvé le comte lorsqu'il s'était approché de lui. Et ne pouvant plus soutenir la vue des deux personnes qui lui donnaient des mouvements si tristes, il tourna la tête de l'autre côté et se laissa tomber sur le lit de sa femme, accablé d'une douleur incroyable. Le comte de Chavannes, pénétré de repentir d'avoir abusé d'une amitié dont il recevait tant de marques, et ne trouvant pas qu'il pût jamais réparer ce qu'il venait de faire, sortit brusquement de la chambre, et passant par l'appartement du prince, dont il trouva les portes ouvertes, il descendit dans la cour, il se fit donner des chevaux, et s'en alla dans la campagne, guidé par son seul désespoir. Cependant, le prince de Montpensier, qui voyait que la princesse ne revenait point de son évanouissement, la laissa entre les mains de ses femmes, et se retira dans sa chambre avec une douleur mortelle. Le duc de Guise, qui était sorti heureusement du parc, sans savoir quasi ce qu'il faisait, tant il était troublé, s'éloigna de Champigny de quelques lieues. Mais il ne put s'éloigner davantage sans savoir des nouvelles de la princesse. Il s'arrêta dans une forêt et envoya son écuyer pour apprendre du comte de Chavannes ce qui était arrivé de cette terrible aventure. L'écuyer ne trouva point le comte de Chavannes, mais il apprit d'autres personnes que la princesse de Montpensier était extraordinairement malade. L'inquiétude du duc de Guise fut augmentée par ce que lui dit son écuyer, et sans la pouvoir soulager, il fut contraint de s'en retourner trouver ses oncles pour ne pas donner de soupçons par un plus long voyage. L'écuyer du duc de Guise lui avait rapporté la vérité en lui disant que madame de Montpensier était extrêmement malade. Car il était vrai que, sitôt que ses femmes l'eurent mis dans son lit, la fièvre lui prit si violemment et avec des rêveries si horribles que dès le second jour l'on craignit pour sa vie. Le prince feignit d'être malade afin qu'on ne s'étonnât pas de ce qu'il n'entrait pas dans la chambre de sa femme. L'ordre qu'il reçut de s'en retourner à la cour, où l'on rappelait tous les princes catholiques pour exterminer les huguenots, le tira de l'embarras où il était. Il s'en alla à Paris, ne sachant ce qu'il avait à espérer ou à craindre du mal de la princesse sa femme. Il n'y fut pas sitôt arrivé qu'on commença d'attaquer les huguenots en la personne d'un de leurs chefs, l'amiral de Châtillon, et deux jours après, l'on fit cet horrible massacre si renommé par toute l'Europe. Le pauvre comte de Chavannes, qui s'était venu cacher dans l'extrémité de l'un des faubourgs de Paris pour s'abandonner entièrement à sa douleur, fut enveloppé dans la ruine des huguenots. Les personnes chez qui il s'était retiré l'ayant reconnu, et s'étant souvenu qu'on l'avait soupçonné d'être de ce parti, le massacrèrent cette même nuit, qui fut si funeste à tant de gens. Le matin, le prince de Montpensier, allant donner quelques ordres hors de la ville, passa dans la rue où était le corps de Chavannes. Il fut d'abord saisi d'étonnement à ce pitoyable spectacle, ensuite, son amitié se réveillant, elle lui donna de la douleur, mais le souvenir de l'offense qu'il croyait avoir reçue du comte lui donna enfin de la joie, et il fut bien aise de se voir venger par les mains de la fortune. Le duc de Guise, occupé du désir de venger la mort de son père et peu après rempli de la joie de l'avoir vengé, laissa peu à peu éloigner de son âme le soin d'apprendre les nouvelles de la princesse de Montpensier. Et trouvant la marquise de Noirmoutier, personne de beaucoup d'esprit et de beauté, et qui donnait plus d'espérance que cette princesse, il s'y attacha entièrement et l'aima avec une passion démesurée et qui dura jusqu'à sa mort. Cependant, après que le mal de madame de Montpensier fut venu au dernier point, il commença à diminuer. La raison lui revint, et se trouvant un peu soulagée par l'absence du prince son mari, elle donna quelque espérance de sa vie. Sa santé revenait pourtant avec grand-peine par le mauvais état de son esprit, et son esprit fut travaillé de nouveau quand elle se souvint qu'elle n'avait eu aucune nouvelle du duc de Guise pendant toute sa maladie. Elle s'enquit de ses femmes si elle n'avait vu personne, si elle n'avait point de lettres, et ne trouvant rien de ce qu'elle eût souhaité, elle se trouva la plus malheureuse du monde d'avoir tout hasardé pour un homme qui l'abandonnait. Ce lui fut encore un nouvel accablement d'apprendre la mort du comte de Chabannes qu'elle sut bientôt par les soins du prince son mari. L'ingratitude du duc de Guise lui fit sentir plus vivement la perte d'un homme dont elle connaissait si bien la fidélité. Tant de déplaisirs si pressants la remirent bientôt dans un état aussi dangereux que celui dont elle était sortie, et comme madame de Noirmoutier était une personne qui prenait autant de soin de faire éclater ses galanteries que les autres en prennent de les cacher, celle du duc de Guise et d'elle était si publique que toute éloignée et toute malade qu'était la princesse de Montpensier, elle les apprit de tant de côtés qu'elle n'en put douter. Ce fut le coup mortel de sa vie. Elle ne put résister à la douleur d'avoir perdu l'estime de son mari, le cœur de son amant et le plus parfait ami qui fut jamais. Elle mourut en peu de jours, dans la fleur de son âge, une des plus belles princesses du monde, et qui aurait été sans doute la plus heureuse si la vertu et la prudence eussent conduit toutes ses actions. Fin de La Princesse de Montpensier de Madame de Lafayette. Regret sur ma vieille robe de chambre, ceci est un enregistrement LibriVox. Tout nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Enke. Regret sur ma vieille robe de chambre, par Denis Diderot. Regret sur ma vieille robe de chambre, ou avis à ceux qui ont plus de goût que de fortune, 1772. Pourquoi ne l'avoir pas gardée? Elle était faite à moi. J'étais fait à elle. Elle moulait tous les plis de mon corps sans le gêner. J'étais pittoresque et beau. L'autre, raide, empesé, me mannequine. Il n'y avait aucun besoin auquel sa complaisance ne se prêta, car l'indigence est presque toujours officieuse. Un livre était-il couvert de poussière? Un de ses pans s'offrait à l'essuyer. L'encre épaissie refusait-elle de couler de ma plume? Elle présentait le flanc. On y voyait tracés en longues raies noires les fréquents services qu'elle m'avait rendus. Ces longues raies annonçaient le littérateur, l'écrivain, l'homme qui travaille. À présent, j'ai l'air d'un riche fainéant. On ne sait qui je suis. Sous son abri, je ne redoutais ni la maladresse d'un valet, ni la mienne, ni les éclats du feu, ni la chute de l'eau. J'étais le maître absolu de ma vieille robe de chambre. Je suis devenu l'esclave de la nouvelle. Le dragon qui surveillait la toison d'or ne fut pas plus inquiet que moi. Le souci m'enveloppe. Le vieillard passionné qui s'est livré pieds et poings liés aux caprices, à la merci d'une jeune folle, dit depuis le matin jusqu'au soir, « Où est ma bonne, ma vieille gouvernante? Quel démon m'obsédait le jour que je la chassais pour celle-ci? » Puis il pleure, il soupire. Je ne pleure pas, je ne soupire pas, mais à chaque instant je dis, « Maudit soit celui qui inventa l'art de donner du prix à l'étoffe commune en l'atteignant en écarlate. Maudit soit le précieux vêtement que je révère. Où est mon ancien, mon humble, mon commode lambeau de calmande? Mes amis, gardez vos vieux amis. Mes amis, craignez l'atteinte de la richesse. Que mon exemple vous instruise. La pauvreté a ses franchises. L'opulence a sa gêne. Ô Diogène, si tu voyais ton disciple sur le fastueux manteau d'Aristippe, comme tu rirais. Ô Aristippe, ce manteau fastueux fut payé par bien des bassesses. Quelle comparaison de ta vie molle, rampante, efféminée, et de la vie libre et ferme du cynique déguenillé. J'ai quitté le tonneau où je régnais pour servir sous un tyran. Ce n'est pas tout, mon ami. Écoutez les ravages du luxe, les suites d'un luxe conséquent. Ma vieille robe de chambre était une avec les autres guenilles qui m'environnaient. Une chaise de paille, une table de bois, une tapisserie de bergame, une planche de sapin qui soutenait quelques livres, quelques estampes enfumées, sans bordure, clouées par les angles sur cette tapisserie, entre ces estampes trois ou quatre plates suspendues formées avec ma vieille robe de chambre, l'indigence la plus harmonieuse. Tout est désaccordé, plus d'ensemble, plus d'unité, plus de beauté. Une nouvelle gouvernante stérile qui succède dans un prébispère, la femme qui entre dans la maison d'un veuf, le ministre qui remplace un ministre disgracié, le prélat moliniste qui s'empare du diocèse d'un prélat janséniste, ne cause pas plus de troubles que l'écarlate intruse en a causé chez moi. Je puis supporter sans dégoût la vue d'une paysanne. Ce morceau de toile grossière qui couvre sa tête, cette chevelure qui tombe épaisse sur ses joues, ces haillons troués qui la vêtissent à demi, ce mauvais cotillon court qui ne va qu'à la moitié de ses jambes, Ces pieds nus et couverts de fange ne peuvent me blesser. C'est l'image d'un état que je respecte. C'est l'ensemble des disgrâces d'une condition nécessaire et malheureuse que je plains. Mais mon cœur se soulève, et malgré l'atmosphère parfumée qui la suit, j'éloigne mes pas. Je détourne mes regards de cette courtisane dont la coiffure a point d'Angleterre, et les manchettes déchirées, les bas de soie sales et la chaussure usée me montrent la misère du jour associée à l'opulence de la veille. Tel eût été mon domicile si l'impérieuse écarlate n'eût tout mis à son unisson. J'ai vu la Bergame céder la muraille à laquelle elle était depuis si longtemps attachée, à la tenture de Damas. Deux estampes qui n'étaient pas sans mérite, la chute de la manne dans le désert du Poussin et l'Esther devant Assyrus du même. L'une honteusement chassée par un vieillard de Rubens, c'est la triste Esther, la chute de la manne dissipée par une tempête de Véanée. La chaise de paille reléguée dans l'antichambre par le fauteuil de Maroquin. Homère, Virgile, Horace, Cicéron, soulagés le faible sapin, courbés sous leur masse et se renfermés dans une armoire moquetée, asile plus digne d'eux que de moi. Une grande glace s'emparait du manteau de ma cheminée. Ces deux jolies plates que je tenais de l'amitié de Falconet et qu'il avait réparées lui-même, déménagées par une Vénus accroupie, l'argile moderne brisée par le bronze antique, la table de bois disputait encore le terrain à l'abri d'une foule de brochures et de papiers entassés pêle-mêle et qui semblait devoir la dérober longtemps à l'injure qui la menaçait. Un jour, elle subit son sort et, en dépit de ma paresse, les brochures et les papiers allèrent se ranger dans les serres d'un bureau précieux. Instinct funeste des convenances, tact délicat et ruineux, goût sublime qui change, qui déplace, qui édifie, qui renverse, qui vide les coffres des pères, qui laisse les filles sans deux, les fils sans éducation, qui fait tant de belles choses et de si grands mots, toi qui substituas chez moi le fatal et précieux bureau à la table de bois. C'est toi qui paies les nations, c'est toi qui peut-être un jour conduiras mes effets sur le pont Saint-Michel, où l'on entendra la voix enrouée d'un juré crieur dire « Avait lui une Vénus accroupie ». L'intervalle qui restait entre la tablette de ce bureau et la tempête de Véanée, qui est au-dessus, faisait un vide désagréable à l'œil. Ce vide fut rempli par une pendule, et quelle pendule encore? Une pendule à la Géoffrin, une pendule où l'eau contraste avec le bronze. Il y avait un angle vacant à côté de ma fenêtre. Cet angle demandait un secrétaire qui l'obtint. Autre vide déplaisant entre la tablette du secrétaire et la belle tête de Rubens, il fut rempli par deux lagrenets. Ici c'est une Magdeleine du même artiste. Là c'est une esquisse, ou de Vien ou de Machy, quand je donnais aussi dans les esquisses. Et ce fut ainsi que le réduit édifiant du philosophe se transforma dans le cabinet scandaleux du publicain. J'insulte aussi à la misère nationale. De ma médiocrité première, il n'est resté qu'un tapis de lisière. Ce tapis mesquin ne cadre guère avec mon luxe, je le sens. Mais j'ai juré et je jure, quand les pieds de Denis le philosophe ne fouleront jamais un chef-d'œuvre de la savonnerie, que je réserverai ce tapis, comme le paysan transféré de sa chaumière dans le palais de son souverain réserva ses sabots. Lorsque le matin, couvert de la somptueuse écarlate, j'entre dans mon cabinet, si je baisse la vue, j'aperçois mon ancien tapis de lisière. Il me rappelle mon premier état, et l'orgueil s'arrête à l'entrée de mon cœur. Non, mon ami, non, je ne suis point corrompu. Ma porte s'ouvre toujours aux besoins qui s'adressent à moi. Il me trouve la même affabilité. Je l'écoute, je le conseille, je le secours, je le plains. Mon âme ne s'est point endurcie, ma tête ne s'est point relevée, mon dos est bon et rond, comme ci devant, c'est le même ton de franchise et la même sensibilité. Mon luxe est de fraîche date, et le poison n'a point encore agi, mais avec le temps, qui sait ce qui peut arriver? Qu'attendre de celui qui a oublié sa femme et sa fille, qui s'est endetté, qui a cessé d'être époux et père, et qui, au lieu de déposer au fond d'un coffre fidèle, une somme utile? Ah, saint prophète, levez vos mains au ciel, priez pour un ami en péril. Dites à Dieu, si tu vois dans tes degrés éternels que la richesse corrompe le cœur de Denis, n'épargne pas les chefs-d'œuvre qu'il idolâtre. Détruis-les et ramène-le à sa première pauvreté. Et moi, je dirai au ciel de mon côté, ô Dieu, je me résigne à la prière du saint prophète et à ta volonté. Je t'abandonne tout, reprends tout, oui, tout, excepté le Véanée. Ah, laisse-moi le Véanée. Ce n'est pas l'artiste, c'est toi qui l'as fait. Respecte l'ouvrage de l'amitié et le tien. Vois ce fort, vois cette tour adjacente qui s'élève à droite. Vois ce vieil orbe que les vents ont déchiré. Que cette masse est belle, Au-dessus de cette masse obscure, vois ces rochers couverts de verdure. C'est ainsi que ta main puissante les a formés. C'est ainsi que ta main bienfaisante les a tapissés. Vois cette terrasse inégale qui descend du pied des rochers vers la mer. C'est l'image des dégradations que tu as permis ce temps d'exercer sur les choses du monde les plus solides. Ton soleil l'aurait-il autrement éclairé? Dieu, si tu anéantis cet ouvrage de l'or, on dira que tu es un dieu jaloux. Prends en pitié les malheureux et pars sur cette rive. Ne te suffit-il pas de leur avoir montré le fond des abîmes? Ne les as-tu sauvés que pour les perdre? Écoute la prière de celui-ci qui te remercie. Aide les efforts de celui-là qui rassemble les tristes restes de sa fortune. Ferme l'oreille aux imprécations de ce furieux. Hélas, il se promettait des retours si avantageux. Il avait médité le repos et la retraite. Il en était à son dernier voyage. 100 fois dans la route, il avait calculé par ses doigts le fond de sa fortune. Il en avait arrangé l'emploi. Et voilà toutes ses espérances trompées. Peine lui reste-t-il de quoi couvrir ses membres nus? Sois touché de la tendresse de ces deux époux. Vois la terreur que tu as inspirée à cette femme. Elle te rend grâce du mal que tu ne lui as pas fait. Cependant, son enfant, trop jeune pour savoir à quel péril tu l'avais exposé, lui, son père et sa mère, s'occupe du fidèle compagnon de son voyage. Il rattache le collier de son chien. Fais grâce à l'innocent. Vois cette mère fraîchement échappée des eaux avec son époux. Ce n'est pas pour elle qu'elle a tremblé, c'est pour son enfant. Vois comme elle le serre contre son sein. Vois comme elle le baise. Ô Dieu, reconnais les eaux que tu as créées. Reconnais-les, et lorsque ton souffle les agite, et lorsque ta main les apaise, reconnais les sombres nuages que tu avais rassemblés, et qu'il t'a plu de dissiper. Déjà ils se séparent, ils s'éloignent. Déjà la lueur de l'astre du jour renaît sur la face des eaux. Je présage le calme à cet horizon rougeâtre. Qu'il est loin cet horizon, il ne confine point avec la mer. Le ciel descend au-dessus et semble tourner autour du globe. Achève d'éclaircir ce ciel, achève de rendre à la mer sa tranquillité. Permets à ces matelots de remettre à flot leur navire échoué. Seconde leur travail, donne-leur des forces et laisse-moi mon tableau. Laisse-le-moi comme la verge dont tu châtiras l'homme vain. Déjà ce n'est plus moi qu'on visite, qu'on vient entendre. C'est Véané qu'on vient admirer chez moi. Le peintre a humilié le philosophe. Ô mon ami, le beau Véané que je possède. Le sujet est la fin d'une tempête sans catastrophe fâcheuse. Les flots sont encore agités. Le ciel couvert de nuages. Les matelots s'occupent sur leur navire échoué. Les habitants accourent des montagnes voisines. Que cet artiste a d'esprit. Il ne lui a fallu qu'un petit nombre de figures principales pour rendre toutes les circonstances de l'instant qu'il a choisi. Comme toute cette scène est vraie, comme tout est peint avec légèreté, facilité et vigueur, je veux garder ce témoignage de son amitié. Je veux que mon gendre le transmette ses enfants aux leurs, et ceci aux enfants qui naîtront d'eux. Si vous voyez le bel ensemble de ce morceau, comme tout y est harmonieux, comme les effets s'y enchaînent, comme tu se fais valoir sans effort et sans apprêt, comme ces montagnes de la droite sont vaporeuses, comme ces rochers et les édifices surimposés sont beaux, comme cette orbe est pittoresque, comme cette terrasse est éclairée, comme la lumière s'y dégrade, comme ces figures sont disposées, vraies, agissantes, naturelles, vivantes, comme elles intéressent, la force dont elles sont peintes, la pureté dont elles sont dessinées, comme elles se détachent du fond, l'énorme étendue de cet espace. La vérité de ces eaux, ces nuées, ce ciel, cet horizon. Ici, le fond est privé de lumière et le devant clair, au contraire du technique commun. Venez voir mon Véané, mais ne me le tais pas. Avec le temps, les dettes s'acquitteront. Le remords s'apaisera, et j'aurai une jouissance pure. Ne craignez pas que la fureur d'entasser des belles choses me prenne. Les amis que j'avais, je les ai, et le nombre n'en est pas augmenté. J'ai Laïs, mais Laïs ne m'a pas. Heureux entre ses bras, je suis prêt à la céder à celui que j'aimerais, et qu'elle rendrait plus heureuse que moi. Et pour vous dire mon secret à l'oreille, cette Laïs qui se vend si chère aux autres ne m'a rien coûté. Enregistré par Enco. Fin de Regret sur ma vieille robe de chambre par Denis Diderot. Viviane, ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Viviane, conte en un acte, par Jean Laurin. Personnage, le conteur, Myrdine, Viviane. Viviane, robe étroite et très longue, vert de mer à arabesques d'argent, épaules et bras complètement nus. La robe d'un ton glauque et verdâtre est relevée sur le devant sur une jupe de brocart bleu pâle brodée de fleurs d'or et de soie rose. Sur les cheveux roux, presque cuivre, libres et flottants sur les épaules, un hennin de toile d'argent pailleté d'or, très haut. Double voile en gaze d'argent flottant. Les bras nus sont chargés de bracelets et d'anneaux d'orfèvrerie précieuse, colliers de perles au col. Viviane doit être svelte et très blanche, profil très pur, physionomie inquiétante et charmeresse, allures ondulantes. Myrdhinn, grande robe à larges manches de samit éclatant, brodée de trèfles d'or, nu-tête et nu-pieds. Longue barbe blanche tombant sur la poitrine, cheveux blancs emmêlés et flottant sur les épaules, très grande taille et très robuste encore. Air de bienveillance et de tristesse. Le conteur, costume de jongleur, la veste courte, le maillot collant, les cheveux longs et bouclés sous le bonnet florentin. La scène représente une vieille salle gothique, au plafond en voûte, soutenue de place en place par des piliers trapus. Le conteur est assis, les jambes croisées sur un escabeau, à droite de la scène. Un vieux missel est ouvert sur ses genoux. Le conteur lisant. Tome 2, page 20 du livre des légendes. Comment Arthur, régnant sur les races normandes des bois de Carléon au mont de Penarmor, Viviane, la fille onduleuse au crin d'or, courtisane galloise experte en félonie, des douces preux d'Arthur ayant été honnie pour sa langue envieuse et ses vils amours, se vengea. Retirée au fond des grands bois sourds, dit de Brocéliande, elle endormit dans l'ombre Myrdhinn, le mage errant, le héros doux et sombre, le bienfaiteur d'Arthur et du peuple breton. Les vieux harpeurs gallois ont conservé son nom, parlant à lui-même. Viviane et Myrdhinn, les noms d'une romance célèbre au gai pays d'Anjou. Mais je recommence. Lisant. C'était au siècle d'or éclipsé pour toujours des combats fabuleux et des longues amours. Les blés étaient en fleurs et dans Brocéliande, l'iris bleu, ce joyau des sources, la lavande et la menthe embaumaient. C'était au mois béni où le hallier s'éveille à l'enfance des nids, et les pommiers neigeaient dans les bois frais et calmes. Au pied d'un chêne énorme, entre les larges palmes des fougères d'avril et les touffes de lys, Viviane et Myrdhinn étaient dans l'ombre assis. Le fond du théâtre s'entr'ouvre et disparaît, laissant voir un ravin sauvage et tout en fleurs de la forêt de Brocéliande. À gauche, au pied d'un chêne énorme et dont les ombrages envahissent la scène, l'enchanteur Myrdhinn est assis, nu-tête et nu-pied, triste et comme affaissé dans une rêverie profonde. Au pied de Myrdhinn, et la tête appuyée sur ses genoux, Viviane est étendue dans une pose suppliante, des guirlandes de feuillage à demi tressées retenues dans un pli de sa robe. Au tronc du chêne, un peu au-dessus de la tête de Myrdhinn, sont suspendues une outre, une épée et un grand casque héraldique en or, ailé d'or rouge et surmonté d'un mufle de tarasque. Auprès du chêne, immense touffe de fougères, de bardanes, de glaïeuls, d'iris et de lys jaunes en fleurs, végétation féerique et luxuriante. Au fond du ravin, qui termine le décor, long cordon de pommiers et d'aubépines en fleurs, tout blanc au pied d'un bois de sapin noir. Myrdhinn et Viviane gardent tous deux le silence. Scène première. Myrdhinn, Viviane. Viviane, appuyant ses bras nus aux genoux de Myrdhinn et le fixant dans les yeux. « M'aimez-vous, ô Myrdhinn, m'aimez-vous, puissant maître ?» Elle se dresse à demi et le couronne de sa guirlande de fleurs. « Voyez, j'ai de mes doigts tressé ces fleurs de hêtre pour votre front de mage et vos cheveux d'aïeul. » Silence de Myrdhinn. Elle se laisse retomber à ses pieds. Il se tait, et sa barbe est comme un grand linceul où la parole morte est à jamais raidie. Se rapprochant et posant sa tête sur les genoux de Myrdhinn. Le hâle et l'air des bois m'ont-ils donc enlaidi à ce point qu'aujourd'hui, dédaigneux de me voir, vous refusiez, Myrdhinn, à mes yeux le miroir de vos yeux, vos chers yeux emplis de mon image jadis. Elle baisse la tête, et tristement, comme à elle-même. Sita jadis aima d'amour un mage, mais l'amour de Sita n'était pas morne et seul. Mais l'amour de Sita respectait son aïeul. J'ai de la neige au front, enfant, et c'est folie de vouloir éveiller dans l'ombre ensevelie la jeunesse défunte et l'amour apaisé. C'est bien, je me tairai sans quêter de baiser. Voyez, je m'enveloppe et revais de sagesse. Elle se hausse en rampant jusque sur les genoux de Myrdhinn, s'y assied, lui passe un bras autour du cou, de l'autre main, ouvre la barbe de Myrdhinn autour d'elle, s'en enveloppe et là, blottie, lui peigne la barbe et chante à mi-voix. Une vieille araignée effrayante et très tressaillante au fond des bois tendus serrés d'argent gardait dans l'ombre obscure un silence méchant. Vint à passer auprès lumineuse et vibrante une mouche d'été folle âme au bois errant. Le monstre eut bientôt fait d'arrêter son essor et dévora vivante au bois l'abeille d'or. Et l'abeille chantait même étant dévorée. Il lui caresse les cheveux. Ô lourds cheveux d'or fauve et langue plus dorée. Mais j'ai 80 ans, moi, je suis un vieillard. Ô blanche étoile errante en mon triste brouillard, Viviane, à quoi bon ces espiègles caresses de jeune amante à moi, si vieux? Quelle tendresse puis-je vous inspirer, et que veulent de moi ces grands yeux attachés sur les miens? Oui, pourquoi tout ceci? Néanmoins, Myrdhinn vous remercie. Vous l'avez fait sourire, et mon âme obscurcie par vous s'est éclairée, enfant rieuse. Il se dégage et la repousse doucement. Viviane se dressant debout. Enfin, vous avez retrouvé la parole. Elle se rassied. Un devin breton, étant tombé, dit un conte en enfance, croyait devenir fée en gardant le silence. Vous au moins vous parlez, vous avez une voix. Myrdhinn lui prend la main, et comme se parlant à lui-même. Écoutez, le passé nous avertit parfois. Très lentement d'abord, puis s'animant peu à peu. Quand j'étais droit et fort, au temps de ma jeunesse, 9 compagnons et moi, tous les 10 dans l'ivresse de nos 20 ans, joyeux et de gloire jaloux, au pied de ce grand chêne avions pris rendez-vous, pour courir l'aventure et conquérir le monde. Comme nous étions là, devisant à la ronde, l'un d'entre nous prenant son olifant d'airain, fit soudain éclater dans un mâle refrain un tel enthousiasme enragé par la gloire qu'on lui dit un appel farouche à la victoire, une insulte à la mort, tant ce chant mâle et fier sonnait ardent et sombre avec un bruit de fer. Et nous l'écoutions tous ravis, l'âme exaltée, quand un cerf à nos pieds, comme une ombre argentée, partit dans la broussaille au clair appel du cor, et chacun reconnut le cerf aux cornes d'or, l'animal fabuleux des chasses légendaires, le cerf aux cornes d'or qu'à travers les clairières tous les rois ont chassé dans la brume et le vent, et sans jamais l'atteindre. Il se lève. Viviane le suit. Alors, nous soulevant sur nos selles, dans l'ombre et la forêt brumeuse, nous chassâmes 3 jours la bête merveilleuse, luttant avec le vent, l'éclair des cornes d'or dans les yeux, tressaillant au fauve appel du cor, et l'enivrant écho de la chanson superbe tournoyait sous le chêne et bondissait dans l'herbe, et le col en sueur, l'écume sur le mort, nos 10 chevaux cabrés partageaient nos transports. Lentement, le cerf s'évanouit à la source des fées, cette source fameuse où des voix étouffées semblent rire et tantôt gronder sous le flot clair. Oui, je sais qu'un enfant y jette un clou de fer, une épingle, elle rit, l'eau bavarde et murmure, mais qu'on y trempe un casque, un glaive ou quelque armure, voici le flot qui gronde et bouillonne en courroux. Tout en causant du cerf et raillant entre nous, notre espoir chimérique et notre course vaine. Nous allions tourner bride et quitter la fontaine quand, dans l'ombre attiédie et calme des grands bois, un murmure invisible, un cœur ailé de voix si douce qu'on lui dit un vol errant d'abeilles, nous arrêta. Mouvement de Viviane. Ravis, nous prêtâmes l'oreille, et serions enivrés restés là jusqu'au soir. Si mon vieil écuyer, étonné de nous voir chanceler et pâlir, n'eût vu le sortilège et ne nous eût crié « Souvenez-vous d'Alphège !» nous rappelant alors Alphège et les 2 rois trouvés morts avec elle au clair ruisseau des bois. nous mîmes pied à terre, et loin des sources vides regagnâmes la ville. Il se rassied, Viviane s'assied auprès de lui. Au loin, les voix plaintives chantaient dans la nuit claire et raillaient nos terreurs. Il prend la main de Viviane. Eh bien, quand tout à l'heure, avec vos doigts frôleurs, vous caressiez ma barbe, et faisant la craintive, vous vous disiez abeille entre mes raies captives, votre douce chanson m'a troublé. Le passé m'est apparu soudain, et, le cœur enlacé dans les nœuds étouffants d'une trame invisible, il se lève. J'ai senti près de moi la mort. Est-ce possible? C'est ainsi. J'ai cru voir la source au fond des bois, claire et calme, et dans l'ombre où murmuraient les voix. J'étais moi-même assis, sans escorte et sans armes, ébloui, subjugué par je ne sais quel charme que vous seul saviez. C'était des rythmes d'or et des pas enlacés. Viviane se lève tout à coup. Et j'étais comme mort. L'herbe autour de mon front montait épaisse et noire, et vous chantiez dans l'ombre, et lentement ma gloire, ma vie et mon renom se retiraient de moi. Viviane, presque menaçante. Myrdhinn ! Oh, douce enfant, pardonnez mon émoi. Il lui prend les mains, la tire à lui, et la force à s'asseoir auprès de lui sous le chêne. Mon cœur a tressailli depuis sous vos caresses. Aussi, pour ma méprise et toutes mes tendresses, par vos soins méconnus, vous dois-je une faveur? Demandez, Viviane, osez. Votre ferveur à m'aimer malgré moi l'a certes méritée. Fût-elle étrange et folle? Allez, belle irritée, le vieux loup s'apprivoise et cède à votre voix. Viviane se laisse glisser aux genoux de Myrdhinn, le contemple un instant en silence, comme en adoration, puis, lui prenant les deux mains, s'agenouille devant lui. Est-ce vous que j'entends? Est-ce vous que je vois? La triste Viviane enfin serait aimée du sauvage Myrdhinn, et cette âme fermée consentirait enfin à fleurir sans effroi dans mon ombre implorante? Ô mon barde, ô mon roi, tu seras le grand chêne et moi l'humble liane. Apprends donc le secret espoir de Viviane. Elle s'assied au pied de Myrdhinn, la tête renversée sur les genoux et posée entre les mains du vieillard, d'une voix douce et câline. Myrdhinn, vous souvient-il d'un soir où, dans vos doigts, j'avais posé mon front? Vous m'avez à mi-voix et, comme en me berçant doucement en cadence, parler d'un charme étrange, un charme fait de danse, de pas entrelacés et de syllabes d'or. Ce charme, chant sacré de prêtresse d'Andor, était, me disiez-vous, d'une puissance telle que sa danse au guerrier était parfois mortelle et que l'être endormi dans son divin accord demeurait à jamais les yeux clos, comme mort, invisible et pourtant, ajoutait la légende, toujours vivant dans l'ombre enfermée. La demande qui sur ma lèvre expire, hélas, méchant devin, tu la connais? Dis-moi ce chant sombre et divin. Le disciple est la gloire en gerbe du prophète. Prends l'humble Viviane, ami, pour interprète, et j'irai, proclamant ta puissance et ton nom. Une bouche de femme, on l'écoute? Mais non, tu détournes la tête et gardes le silence. Myrdhinn, apprends-le-moi ce charme fait de danse, d'ombre et de pas rythmés dans un puissant accord. Notre amour en sera plus intime et plus fort. Le secret partagé nous donnera le calme. Je serai plus à toi quand je serai ta palme, ta gloire, ton secret. Ô vieillard soupçonneux, pourquoi me refuser? En cédant à mes vœux, tu crains, va, je le sais, de me donner une arme contre toi-même. Hélas, ai-je eu peur de ce charme quand je t'ai suivi seul en ce grand bois obscur? Si tu voulais, mes yeux seraient clos à l'azur, je le sais. Tu pourrais me retenir captive, à jamais invisible à tous, et morte vive avec l'herbe fleurie et l'ombre pour linceul. Ô Myrdhinn, souviens-toi de Tristan et d'Iseux. Comme eux deux égarés dans la clarté des branches, il serait doux pourtant de cueillir les pervenches sous le chêne et de boire aux sources des forêts, vivant du même amour et des mêmes secrets. Myrdhinn, apprends-le-moi ce charme fait de danse. Dis, cède à mon désir, mon maître, et confiance. C'est là l'unique preuve, ami, de votre amour, que Viviane implore, et vous y restez sourd. Myrdhinn, vous êtes sage, et personne n'ignore votre gloire, et pourtant vous m'ignorez encore. Viviane, qui durant cette tirade s'est traînée aux genoux de Myrdhinn, en le caressant et lui étreignant les doigts, lui retire brusquement ses mains des siennes et s'assied farouche à ses pieds. Myrdhinn comme à lui-même. « Oui, j'ignore la femme et j'ignore demain, car si fameux que soit mon vain savoir humain, non, je ne fus jamais ni plus fou ni moins sage que le jour où, séduit par ce malin visage, je parlais devant lui de ce charmant dormeur. Mes soupçons n'étaient pas une farouche humeur. J'ai lu dans vos regards. Vous êtes curieuse, Viviane. Ève aussi, comme elle, ambitieuse, fausse, habile à tromper. Malgré votre front pur, je vous sais là méprise au fond d'un rêve obscur. Les filtres enchantés, faits d'ombre et de mensonges, vous attirent. La gloire est la fille d'un songe, ô songeuse. Et vos yeux, où brille la splendeur des sommets entrevus, m'ont appris la grandeur de vos espoirs de femme et de vos destinées. » Prenant la main de Viviane, l'attirant à lui et la regardant dans les yeux. « Vous, vivre au fond des bois, de vos mains raffinées cueillir l'herbe racine et puiser au marais. Vous, captive d'amour, enfant !» Il la repousse. « Non, les vrais raies dangereux, ce n'est pas cette barbe de cendre, mais ce sont ces cheveux couleur d'aurore et d'ambre, caresses, ombre et parfum où, pour mieux enlacer, tout à l'enivrement de l'or et d'un baiser. » Silence. Viviane se dresse lentement, puis debout, fixant Myrdhinn, d'une voix d'abord glacée, puis s'emportant. « J'ai supplié ta bouche à garder le silence. Bien, je vivrai sans charme et toi sans confiance. Garde-le donc ton charme et son rythme païen. Garde-le, mais surtout, Myrdhinn, garde-le bien. Car si jamais mes yeux venaient à le surprendre, je n'aurais ni pitié de ces cheveux de cendre, ni souci de ton âge, et je me souviendrai de cette bouche habile à garder les secrets. » Elle s'avance sur lui. « Comme toi, je dirais le mot qui déshonore, le mot qui fait aimer et fait aimer encore, comme j'aime moi-même, errante et les yeux fous de ma gloire oublieuse. Oui, mon cœur est jaloux, jaloux de ton amour et jaloux de ce charme. Grâce à lui, mon bonheur tremble dans une larme. Grâce à lui, mon amour est tressé de soupçons. » Saisissant les mains de Myrdhinn et s'asseyant près de lui. « Va, je sais bien qu'au loin, dans l'ombre et les frissons de grands bois inconnus, où nul écho n'arrive, tu gardes endormie une belle captive, une reine. Autrefois, Fayel m'a dit son nom. Elle est près d'une source et dans le bois profond. Si l'œil des rois chasseurs s'ouvrait à la lumière, plus d'une apparaîtrait qui dort dans la clairière sous le charme invisible et captive à jamais. » Se laissant glisser aux pieds de Myrdhinn, « Ces femmes, cependant, Myrdhinn, tu les aimais. Au fond d'un rêve obscur, tu les poursuis encore, peut-être, et je suis là qui te prie et t'implore. Ah, ce pouvoir fatal! Oh, ce charme exécré qui te ravit à moi, Myrdhinn, je le saurai !» Implorant Myrdhinn et se traînant à ses pieds. « Vois, mon corps à tes pieds rampe, amoureuse offrande. Myrdhinn, dis-moi le charme et la vieille légende. » Myrdhinn, rêveur, les yeux baissés, et ses mains dans celles de Viviane étendues à ses pieds. Jalouse. Et j'ai toujours comme un lys vénéré ce front pâli. Jalouse. Et ce beau corps nacré n'a jamais effleuré les rêves de ma couche. Se penchant sur Viviane et lui souriant. Le charme. Son seul nom flétrirait votre bouche comme une fleur d'été, si je venais jamais à vous l'apprendre un jour. Vivez donc désormais sans charme, Viviane. Au bord des sources claires, peignez vos lourds cheveux, errez par les clairières et laissez ce dessin dans un songe effleuré. Le charme est dans les bois, les blés, ce lys doré, dans tout ce qui fleurit pour qu'une fleur renaisse. Car le charme invincible, enfant, c'est la jeunesse, astre d'or éclipsé pour jamais de ma vie et des yeux de celle que j'aimais. » Il se lève, dégage ses mains de celles de Viviane et s'avance sur la scène. « Je suis là de rusée, cette femme m'obsède. » Viviane est restée stupéfaite, assise au pied du chêne. Myrdhinn, comme en proie à une sourde agitation, arpente lentement la scène, la tête inclinée en avant, les deux mains jointes à hauteur des genoux. Viviane l'a suivie du regard, s'est levée à son tour, l'observe d'un œil oblique, puis s'avançant sur le devant du théâtre. Scène deuxième. Viviane. Quoi ? J'aurais appelé, calme et lente, à mon aide, et les pleurs de mes yeux et les pleurs de ma voix, et la complicité des sources et des bois, et ce charme maudit m'échapperait encore ? Désignant Myrdhinn enfoncée dans sa rêverie. J'aurais à ce sépulcre offert ma jeune aurore, et fait de mes 20 ans à ce spectre un tapis, pour joindre cet outrage aux anciens maux subis ? Non, mon âme n'est pas à ce point résignée. D'une voix sourde et concentrée. Après noir souvenir d'une amour dédaignée, hautain mépris d'Arthur, long regard méprisant des suivantes, propos cruels et médisants, et toi, spectre exécré, triomphante Genèvre, tendant ta main royale et haïe à ma lèvre, revenez, revenez fomenter mon ardeur éteinte et rallumer ma sauvage impudeur. Revenez, lourds affronts dévorés en silence et vibrant dans mon cœur comme des fers de lance. Revenez m'enivrer de rage et de courroux, que triomphante enfin la fille aux cheveux roux, la Viviane errante et de tous méprisée, Viviane, autrefois la serve et la risée des reines, redressant soudain un bras obscur, cloue au mur des affronts la couronne d'Arthur. Regardant Myrdhinn, appuyée contre un arbre, le front au revers de sa main. Et le charme surpris me donnerait la gloire. Menaçant Myrdhinn. Oh, pétrir sous mes doigts ce vieux crâne d'ivoire, arracher le secret à ses mornes efforts, et lui, vaincu, perdu, plus forte que les morts, reparaître et, le cœur gros d'ancienne rancune, emplir enfin le monde et changer la fortune des rois indifférents et de ceux qui jadis m'ont osé mépriser, moi. Avec transport. Les cieux agrandissants s'entr'ouvrent, mais déjà dans l'âpre solitude, le soir en s'étendant met une quiétude, déjà les lys de neige au pied des chênes bruns, effleurés par la nuit, ont de plus doux parfums, et bientôt sur les pins va se lever la lune. S'adressant aux arbres et touchant les fleurs autour d'elle. Ô complice éternel, immense forêt brune, chêne mystérieux, ami de mon exil, et vous, coupe d'amour, troublante fleur d'avril, soyez tous cette nuit mes sauvages complices, et je préserverai à jamais vos calices, lys d'or, et toi, forêt, des chênes de l'hiver. La nuit, durant cette tirade, est descendue peu à peu sur la scène. Viviane cueille vivement quelques fleurs, une gerbe d'iris et de lavande, puis, s'approchant à pas furtif de Myrdhinn, arrêtée contre son arbre, elle lui met les deux mains sur les yeux en lui répandant les fleurs sur le visage. Scène troisième. Viviane, Myrdhinn. Si Myrdhinn boude encore, il n'y verra plus clair de sa vie et ses flots d'iris et de lavande lui feront un linceul odorant de guirlande. Elle retire ses mains et s'appuyant à l'épaule de Myrdhinn, qui garde le silence comme tout surpris. « Vous ne répondez pas, maître, m'en voulez-vous ? » Elle l'emmène doucement sous le grand chêne à leur première place. Myrdhinn s'assied machinalement. Viviane se couche à ses pieds. « Je veux rêver encore assise à vos genoux, » lui baisant la main, « et je respecterai désormais vos caprices. » Elle lui peigne la barbe et les cheveux restés pleins de fleurs. « J'aime tant à peigner ses cheveux blancs et lisses. » Elle prend une rose dans son corsage et la promenant sur les lèvres de Myrdhinn. « Un mage comme vous doit aimer les odeurs. » « Que réclament de moi ces doigts fins et rôdeurs ?»« Rien. Laissez-moi croiser vos mains sur ma poitrine. » Elle prend les mains de Myrdhinn et s'installe entre ses genoux, les lui croise sur sa gorge. « Aimez-vous cette robe au ton d'aigle marine ? Elle vient de Syrie et se moire d'argent quand la lune au ciel brille. » La lune vient de paraître sur les sapins au fond du ravin. Un sélam, un vieux chant d'amour, était plié dans l'ourlet de sa robe. Autrefois je l'ai su, mais le sens s'en dérobe aux yeux de Viviane. Un sens mystérieux fuit toujours dans ses vers éclos sous d'autres cieux. Regardant Myrdhinn de bas en haut, il était cependant d'une douceur touchante. Dis, ce chant d'Orient, veux-tu que je le chante ? S'appuyant sur Myrdhinn. Vous, du moins, en saurez, étant magicien, saisir le sens obscur et le mystère ancien. La lune, en ce moment, au-dessus du ravin, tombe en plein sur Viviane et les genoux de Myrdhinn. Viviane apparaît lumineuse et comme vêtue d'argent. Elle chante. Des parfums de mes lourdes tresses mêlés au goût de mes baisers, j'ai fait de savantes caresses pour les désirs inapaisés. Au suc des chardons bleus des dunes, j'ai mêlé sous mes yeux ardents les froids rayons des vieilles lunes, prises au froid émail de mes dents. Et j'en ai fait un clair breuvage, un vin d'espérance et de vœux, un filtre amoureux et sauvage de la couleur de mes cheveux. Rampant à tes pieds en extase, suppliant au cœur douloureux, j'exalte vers toi le beau vase écumant du filtre amoureux. La coupe au niveau de ta lèvre rayonne et mes débiles mains, dans l'espérance et dans la fièvre, implore les bleus lendemains. Et tandis que blême j'écoute, fléchis au poids de l'affront, le vin déborde goutte à goutte, et tu détournes toi le front. Tu me dédaignes, mais prends garde, car la salamandre aux yeux verts est ma complice et te regarde, Dieu, mage implacable et pervers. Des parfums de mes lourdes tresses mêlés au goût de mes baisers, j'ai fait de savantes caresses pour les désirs inapaisés. Viviane, regardant Myrdhinn. Maître, ai-je bien chanté? Comprenez-vous mon chant? Oui, je comprends que l'âge a fait mon front d'argent, et que je suis trop vieux, belle dame amoureuse, trop vieux pour votre ardeur attirante et fiévreuse, trop lasse pour votre rêve, et l'impossible essor que médite votre âme. Et parmi vos crins d'or, en vain, voluptueuse et morbide couleuvre, pour me plaire avez-vous, enfant, mis tout en œuvre. Le sang de mes 20 ans que l'âge a refroidi, trahit le vieux Myrdhinn, et dans l'ombre engourdie, songeur lourd de regrets, de tristesse et d'années, je suis le morne époux des vieilles fleurs fanées, un diseur de légendes et non le guéjouteur qu'implore votre voix de bel oiseau chanteur. Mais moi, l'âge a figé le sang bleu dans mes veines, enfant, et votre espoir poursuit des ombres vaines. Que faites-vous encore assise à mes genoux? Un jeune chevalier à l'œil clair, au poil roux, voilà l'heureux ami qui calmerait votre âme, et vous perdez ici votre temps, belle dame. Allez, laissez le sage en repos, errez. Non, car serve de Myrdhinn est encore un beau nom, et mon rêve d'amour est un rêve de gloire. Mais trêve de propos, conte-moi quelque histoire, toi qui sais la légende et les mythes païens. Fais-moi quelque récit d'ombre et d'amour ancien, qui me console un peu du triste sort du nôtre. Et l'on dira plus tard, Myrdhinn était l'apôtre, et Dame Viviane était son clerc d'amour. Pourquoi pas? J'ai chanté. Toi, raconte à ton tour. Soit. Je vous dirai donc que, dans Brocéliande, une dame galloise, amoureuse et friande, était un soir assise à l'endroit que voilà, sous un chêne, un devin. Non, non, pas celle-là, doux sire, mais plutôt cette étrange légende d'Orient, où l'on voit un roi de Samarcande dans une ville bleue aux toits en parasol, et des mages persans interroger le vol des aigles, au chevet d'une reine captive. Tu t'en souviens, le roi voulait l'enterrer vive, pour l'avoir à lui seul cachée à tous les yeux. Myrdhinn, se penchant sur Viviane et lui prenant les mains. Il s'agissait d'un charme ailé, mystérieux. Et c'était effrayant, ce vieux roi sur ce trône entrevu, lourd de pourpre et d'anneaux d'ambre jaune. Myrdhinn se levant. Et ce charme endormeur au savant rythme d'or, ce divin conte ailé, tu veux l'entendre encore? Il la repousse et descend vivement sur la scène. Ô rêveuse obstinée, âme fourbe et féline! S'arrêtant et portant ses deux mains à son cœur. Mon cœur en est glacé d'effroi dans ma poitrine. Dans quel abîme affreux descendais-je enlacé? Viviane, restée au pied du chêne, à demi levée. Mais qu'a-t-il donc? Il tremble! Myrdhinn, en lui-même. Esprit froid et rusé, embûche de galloise et dame ambitieuse, par le roi Salomon, la dame est périlleuse. La regardant de côté. Avec ce front d'archange et cet œil calme et pur. J'ai peur. Que trame-t-il en son langage obscur? Elle se lève et s'avance lentement, craintive de son côté. Myrdhinn à lui-même, sur le devant de la scène. J'ai vaincu les serpents. je tordrai la vipère. » Il hésite, puis avec un grand geste. « Bah, je n'ai pas cherché l'hydre dans son repaire. Tous les moyens sont bons quand on veut en finir. » Viviane, timidement. « Myrdhinn ?» Et le passé répond de l'avenir. Il se retourne et voit Viviane derrière lui. Viviane s'appuyant à l'épaule de Myrdhinn. « Mon doux maître, ai-je eu tort et blâmez-vous mon zèle ?» Myrdhinn, souriant en lui prenant la main. « Non, le comte effraierait une humble demoiselle, mais quand madame prie, elle ordonne. Et le vent de son léger caprice est un chêne mouvant, où ses désirs émis sont fleurs épanouies. Je vais donc vous conter des choses inouïes. Mais j'ai là dans une outre un breuvage divin dont je voudrais avant, dans mon casque d'or fin, boire large rasade. Après, si ma voix tremble, que Myrdhinn soit huée. Nous en boirons ensemble, c'est un vin merveilleux. Vous, pour mieux écouter, moi pour chauffer ma verve et pour mieux raconter. » Il s'approche du chêne et en détache l'outre et le casque d'or. Viviane à elle-même. « La partie est perdue et je suis découverte. Ce filtre est mon arrêt. Refuser, c'est ma perte. Ah, maudite soit l'heure où, dans mon fol orgueil, j'ai tissé mon suaire et cloué mon cercueil. » Myrdhinn, versant le vin de l'outre dans le casque. « La belle Viviane, au lieu d'un vidre comme de Myrdhinn, voudra-t-elle accepter l'humble aume ?» Viviane s'approche en chancelant. « Je me sens défaillir. Pour un honneur pareil, Cléopâtre eût donné l'ongle de son orteil, et j'en baise à genoux la main de mon doux sire. » Elle se penche et cherche à baiser la main de Myrdhinn qui, lui, garde la main dans la sienne. « La terreur dans ma gorge étrangle le sourire. Je suis perdue. » Myrdhinn, sur le devant de la scène, lui offre le casque plein de vin. « Eh bien, le vin est clair et blond. Par ce mufle loyal et funeste au félon, qui grimace et flamboie au cimier de mon casque, amante au cœur loyal, buvons à la tarasque. » Viviane, élevant le casque à la hauteur de ses lèvres. « À votre loyauté, maître. » Myrdhinn, la regardant boire, à part. « Un vin sans pareil pour dompter l'énergie et donner le sommeil. Que tes vœux soient remplis, tu connaîtras le charme, mais inerte, vaincu, et désormais sans armes. » Avec un grand geste à lui-même, cessant de regarder Viviane. « Ah, tu rampais dans l'ombre et méditais ma mort. Tu dormiras. » Viviane a faim de boire, jetant le breuvage par-dessus son épaule. Elle tend le casque à Myrdhinn, qui le prend, et feint d'y tremper ses lèvres. Viviane, avec un cri, se jetant de côté. « Sauvé ! Et toi, mon cœur, moins fort, mon pauvre cœur !» S'approchant de Myrdhinn. « Et maintenant, mon maître, je suis à vous, j'écoute. » Myrdhinn, déposant le casque au pied du chêne et la regardant. « Elle a pâli, pauvre être. Déjà sa chair en proie à l'horrible frisson blêmit. Qu'elle s'éteigne au moins sans un soupçon. » Il s'assoit sous le chêne. Viviane s'assied à ses pieds, dans sa pose du lever du rideau. « Puisque vous l'exigez, voici donc la légende. » « Oh, pardon, laisse-moi. » Elle prend la main de Myrdhinn et regarde curieusement l'anneau de son doigt. « Cette pierre en amande qui luit en larmes froides et verdâtres à tes doigts, dit, c'est une émeraude ? On m'a dit qu'autrefois, celle de Salomon le rendait invisible et chassait les esprits errants. Est-ce possible ?»« Tout est possible, hélas, les chimères étant dans les cerveaux de femmes un mirage éclatant. Mais de quel charme mêlé désirez-vous l'histoire ? De la danse d'Andorre ou de la perle noire qui, dissoute au soleil dans l'écume des flots, étincelle à mon doigt, en joyaux verts éclos ?» Viviane, implorante et tenant toujours la main de Myrdhinn. « Oh, le charme d'Andorre, Myrdhinn, fais que j'entende le conte d'Orion, et dans Brocéliande, le défiant Myrdhinn aura comblé les vœux de l'humble Viviane. » Myrdhinn à part. « Ainsi donc tu le veux, couleuvre aux yeux de femme. » « Oh, apprends donc la légende. » Il compte, Viviane est à ses pieds. Il était autrefois un roi de Samarcande, à la fois mage en Perse et prêtre dans Azur, et la neige des monts, l'or des blés et l'azur des mers étaient du tigre au Gange son domaine. Il était aussi grand qu'est la puissance humaine. de lourds vaisseaux de guerre amenaient dans ses ports des captives, de l'ambre, et des têtes de mort pourrissaient dans l'écume et la pluie à leurs proues. Des gibets emplissaient ses villes, et les roues de son char écrasaient tant de peuples divers que des vautours planaient sur son front dans les airs. Un soir qu'à la terrasse assis, le buste roide, dans sa pourpre il songeait. Durant ce récit, Viviane, une main dans celle de Myrdhinn, s'est peu à peu endormie, la tête renversée, pâle sous le clair de lune. Au dernier vers, elle dort d'un profond sommeil. Myrdhinn se penche vers elle. Mais elle est déjà froide, pauvre âme. La regardant, elle eût pu vivre, hélas, des jours charmants sans cette soif de gloire obsédante. Il la prend dans ses bras. Enivrants et fous étaient ses yeux à large prunelle, et je vais les fermer dans la nuit éternelle. Il s'agenouille près d'elle. Je crois la voir encore assise à mes genoux et me chantant tout bas ses refrains lents et doux. Des parfums de mes lourdes tresses mêlés au goût de mes baisers, j'ai fait de savantes caresses pour les désirs inapaisés. Et comme Viviane un soir fut endormie, il la prend dans ses bras et la porte au milieu des touffes de lys et d'iris voisines du chêne. Une fois Viviane étendue dans les fleurs, il la regarde et s'adressant à son corps. Musique très douce. La lune tombe en plein sur les fleurs et le corps de Viviane. Scène quatrième. Myrdhinn. Douce et perfide dame, adorable ennemie, ces lys en sont témoins. Je voulais t'épargner, mais ton sauvage orgueil n'a pu se résigner, et j'ai dû t'endormir, ô dame périlleuse. Le breuvage a fermé ta bouche astucieuse, et le charmant dormeur au souple rythme d'or, le charme que ta bouche en rêve implore encore, va t'enclore à jamais, invisible et vivante, dans le cercle mouvant de sa danse savante. Ô doigts légers et frais qui frôliez mes genoux, bras errants, lents baisers, et vous, longs cheveux roux qui méditiez ma perte, un léger sortilège de Myrdhinn vous déjoue, et les cheveux de neige et la barbe d'argent ont pris les cheveux d'or. Ni corbeau croissant, ni fanfare de corps, quand j'aurai prononcé les trois phrases magiques, ne pourront réveiller tes beaux yeux léthargiques, et tu vas dans la ronce et les lys à jamais t'engloutir invisible. Et pourtant je t'aimais. La musique cesse. Il lui croise les bras sur sa robe, la baise sur les yeux. Puis, posant sa tête dans les fleurs. Cette tête adorable, ardente et douloureuse, je l'ai pourtant aimée. Il referme autour d'elle les lys et les fougères, puis les ouvrant encore une fois, envoie un dernier baiser à Viviane. Adieu, pâle amoureuse, adieu. Les fougères se referment, dérobant Viviane au regard. La lune a disparu derrière les pins. D'une voix lente, et élevant ses deux bras au-dessus de sa tête. Toi maintenant, toi dont le charme endort, danse fée, ouvre-toi sous mes pas, cercle d'or. Il tourne lentement en tournant sur lui-même autour de la touffe de fleurs où repose Viviane. Trois cercles très lents, accompagnés de gestes très lents au troisième cercle. La touffe de fleurs est lumineuse. Voix lointaine. Autre voix, dans l'éloignement. Voix de femme, loin, très loin. De nos hypogées, en fil rangé, la main dans la main, à ta voix captive, nos âmes plaintives accourent de vin. D'autres voix. Autre voix. Les voix s'éteignent, la touffe redevient obscure. Seul un cercle lumineux marque les pas de Myrdhinn. Myrdhinn, s'essuyant le front et écoutant. Des prêtresses d'Andorre, la voix faible et plaintive, au-dessus des déserts jusqu'à ces bois arrive. Il recommence les trois cercles et les gestes précédents. Pour la seconde fois, toi dont le charme endort, danse fée, ouvre-toi sous mes pas, cercle d'or. Au troisième cercle, la touffe paraît lumineuse et paraît croître à vue d'œil. Musique lointaine. Les voix. Autre voix. Voix plus rapprochée. Sous nos bandelettes, nos mains violettes ont frémi trois fois, et par les bruyères, les doigts des sorcières ont frôlé nos doigts. Les voix. Autre voix. Silence. Cette fois la touffe reste enflammée, ainsi que le cercle et Myrdhinn qui semble lumineux. Myrdhinn, même jeu. Pour la troisième fois, toi dont le charme endort, danse fée, ouvre-toi sous mes pas, cercle d'or. La touffe monte toujours. Les voix plus éloignées. Autre voix. Les voix lointaines, très lointaines. Sous nos hypogées en file rangée, la main dans la main, nos âmes fidèles vont à tire-d'aile, adieu blanc de vin. Une voix. Un écho. La touffe lumineuse. Le cercle, Myrdhinn lui-même, tout redevient obscur. Silence. La lune qui s'était éclipsée reparaît lentement dans le ciel. La touffe de fougère et de lys apparaît considérablement grandie et épaissie. Les prêtresses ont fui. La lourde somnolence du charme rôde encore et le bois en silence berce au vent endormi ses grands chênes épars. Regardant la touffe de fleurs géantes, les lys l'ont à jamais dérobé au regard. Un immense éclat de rire retentit en ce moment au fond de la scène. Il s'arrête. Il écoute. Silence. C'est un cri de chouette au loin sous les futaies. La lune qui se lève éveille les orfraies. Le rire éclate cette fois plus rapproché, suivi de plusieurs autres. Non, ce n'est pas le cri lugubre du hibou. Qui peut rire à minuit ce rire étrange et fou? C'est quelque esprit des bois qui dans l'ombre erre et rôde. Troisième rire répété par l'écho, si bien que la forêt entière semble éclater de rire. Myrdhinn, portant sa main droite à sa main gauche. À moi, Magicano! Il ôte son annulaire gauche, et s'appuyant au grand chêne. Juste Dieu! L'émeraude, qui te rend invisible et chasse les esprits. Tu ne l'as plus, vieux mage. Au piège enfin surpris, et je ris à mon tour de ta déconvenue. Viviane! Viviane, apparaissant derrière le chêne. Elle-même. Elle est presque nue, dans une légère et longue robe de gaze blanche transparente, les bras et les épaules nues. Sur la tête, le casque d'or et les dors rouges de Myrdhinn. Elle s'arrête et sourit. Scène cinquième. Myrdhinn, Viviane. Myrdhinn, se laissant tomber à genoux près du chêne. Ha! Viviane, s'avançant. Cette voix connue n'est ni le rire ailé d'un rôdeur esprit fou, ni la plainte sinistre et rauque du hibou. Myrdhinn, tu m'as nommé, et me voici venu. Montrant le casque du doigt. Ton casque d'or en tête, hélas, est presque nu, puisque tu m'as volé ma robe et mon hennin. Elle écarte d'un geste la touffe de fleurs géantes. La robe vide et le hennin de Viviane apparaissent au milieu des lys, éclairés par la lune. Oui, la place était vide et j'ai trompé ta main. Elle laisse retomber le rideau de fougère. Le hennin et la robe vide disparaissent. Myrdhinn, qui s'est précipitée pour les voir, se laisse glisser à terre à demi affaissée devant Viviane. Elle est debout et souriante. Puisque Myrdhinn a fait la folle songerie d'endormir à jamais ma tunique fleurie, et d'enchanter ma robe et mon hennin doré. Musique douce, la même que celle du discours de Myrdhinn. j'ai dû ceindre le heaume au guerrier consacré, le heaume où, te fiant aux vertus des tarasques, tu verses aux félons des breuvages fantasques. Croisant les bras et raillant Myrdhinn, se venger d'une dame en tenant endormie sa robe et son hénin, Arthur a-t-il permis, Myrdhinn, cette traîtrise au preux de son cortège? Hénin de Viviane, on vous a pris au piège. Et levant les bras et se caressant les doigts, ô doigts légers et frais qui frôliez mes genoux, disais-tu. Elle baisse ses mains. Lent baiser. Elle peigne ses cheveux. Et vous, longs cheveux roux qui méditiez ma perte, un léger sortilège de Myrdhinn vous déjoue, et les cheveux de neige et la barbe d'argent ont pris les cheveux d'or. Éclatant. Imbécile! Échappé à ton charme de mort, je vis, je vois, je ris, et la danse savante qui devait m'engloutir invisible et vivante, ces grands bois stupéfaits vont la revoir encore. Tendant la main vers Myrdhinn, ni corbeau croassant, ni fanfare de corps, quand j'aurai prononcé les trois phrases magiques, ne pourront réveiller tes beaux yeux léthargiques, et tu vas dans la ronce et les lys à jamais t'engloutir invisible. Et pourtant je t'aimais. Se penchant sur Myrdhinn, le grand chêne orgueilleux raillait l'humble liane. La liane aujourd'hui l'étouffe. Se redressant, et Viviane triomphe. Et maintenant, toi, dont le charme endort, danse fée, ouvre-toi sous mes pas, cercle d'or. Myrdhinn est tombé à genoux devant Viviane. Il se tait, affaissé, accablé, stupide. Elle, lumineuse sous la lune, tourne lentement autour de Myrdhinn, avec les mêmes gestes lents et les trois cercles de la danse de tout à l'heure. Les voix lointaines. Autre voix dans l'éloignement. Voix de femme, loin, très loin. De nos hypogées en file rangée, les doigts dans les doigts, aux charmes captives, nos âmes plaintives viennent à ta voix. Les herbes et les fleurs croissent lentement autour de Myrdhinn déjà inanimée. La toile se referme lentement, et la salle gothique reparaît, dérobant la forêt de Brocéliande. Le conteur. Et riant à Myrdhinn qui pleurait en silence, la dame au clair de lune exécuta la danse. Refermant le livre. Or donc, voici comment sous Arthur, roi du Nord, Viviane, la fille onduleuse au crin d'or, satisfit sa rancune en endormant dans l'ombre Myrdhinn, le mage errant, le héros doux et sombre, le bienfaiteur d'Arthur et du peuple breton. Les vieux harpeurs gallois ont conservé son nom. Fin de Viviane, conte en un acte par Jean Lorrain, enregistré par Ezois, en Belgique, en mai 2008.